Amen. The rise and fall of Satan. Der Aufstieg und Fall des Teufels. La montée et de tomber de Jésus, du diable. We have been studying it for some time now. Wir sind jetzt seit einiger Zeit bei diesem Thema dran. Il y a quelques temps qu'on est dans ce thème. It's so good that we know who Satan is. Es ist gut, dass wir wissen, wer der Teufel ist. C'est bien de savoir qui est le diable. It's like a rope. Es ist wie ein Seil. C'est comme un lasso. There's end here. Es gibt zwei Enden. Il y a deux fins. Anytime there's good, there's evil. Sobald es das Gute gibt, gibt es das Böse. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, il y a aussi quelque chose de mauvais. There's truth, there's lies. Es gibt Wahrheit und es gibt Lügen. Quand il y a la vérité, il y a aussi le mensonge. There's light, there's darkness. Es gibt Licht und es gibt Dunkelheit. Il y a la lumière, il y a aussi le sombre. There's Christ, there's Satan. Es gibt Christus und den Teufel. Et comme, c'est comme ça, il y a Jésus-Christ, il y a aussi le diable. Amen. And you are totally aware of the two. Und wir sollten uns bewusst sein von den beiden. Et tu dois être conscient de tous ces deux là. Amen. The last years ago told me about Satan. He said I should always remind Satan that he has been defeated. Der Herr hat mir gesagt, dass ich den Teufel immer daran erinnern soll, dass er besiegt worden ist. Dieu m'a dit que je dois toujours rappeler au diable qu'il a été défié par Jésus-Christ. And I should always remind myself that I am victorious in Christ. Und ich soll mich immer daran erinnern, dass ich den Sieg in Christus schon habe. Et je dois toujours me rappeler que en Jésus-Christ j'ai déjà la victoire. The devil, though he has been defeated, but his lies are everywhere. Der Teufel wurde zwar besiegt, aber seine Lügen sind dennoch überall. Le diable a été défi, mais ses mensonges sont encore toujours partout. You choose who to believe. Wir entscheiden uns, an wen wir glauben. C'est à nous de décider à qui on croit. Jesus warned us against Satan. Jesus hat uns gewarnt vor dem Teufel. Jésus-Christ nous a dit de faire attention au diable. Revelation 12, he said, woe unto the earth, because Satan is here. In Offenbarung 12 sagt das Wort, dass wehe der Welt, weil der Teufel auf sie herabgekommen ist. Apocalypse, il est écrit qu'on doit faire attention parce que le diable est venu dans ce monde. And in Ephesians 6, und in Ephesians from verse 10, he also warned us against Satan. Warnt er uns auch vor dem Teufel und seinen Lügen? En 6, Ephesians 6, il nous a aussi dit de faire attention au diable et ses mensonges. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Let your focus be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. Faut vraiment te concentrer en Jésus-Christ. Let your focus be the spirit. Lass zu, dass dein Fokus auf dem Geist liegt. Faut te concentrer à être en esprit. That something is good does not mean it is Christ. Nur weil etwas gut ist, heißt nicht, dass Jesus Christus ist. Seulement parce que quelque chose que le monde dit que quelque chose est bien, ça signifie pas que c'est aussi bien devant Jésus-Christ. It's so easy to know if Satan is working. Es ist einfach zu erkennen, ob der Teufel am Werk ist oder nicht. Normalement, c'est simple de savoir si c'est le diable qui est en train d'agir ou pas. God cannot tell you to be fighting with God's children, but go and start Bible study somewhere. Gott kann dir nicht sagen, dass du Kinder Gottes kämpfen sollst, aber es ist ein Opener, dass das ist Satan. Bibelstunde öffnen sollst, das ist nicht von Christus. Par exemple, Dieu ne peut pas te dire d'avoir des discussions dans l'église, mais avoir une école biblique avec autre personne, parce que ça n'a pas de sens. You know, the Holy Spirit will not tell you be fighting with God's children. But go and be preaching my gospel everywhere. That is not sagen, the Holy Spirit. That is Satan. Meine Kinder, aber predige das Evangelium überall. Das ist nicht Christus, das ist der Teufel. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire faut combattre l'Église, mais faut partir prêcher dehors, parce que ça c'est pas le Saint-Esprit. Il ne parle pas comme ça. You know that you just hear go and preach. It means you think that is Christ. It's not Christ. Nur weil man hört, dass man predigen soll, heißt es nicht immer, dass es von Christus kommt. Seulement parce que tu es Que quelque chose te dit de partir prêcher, ça signifie pas que ça vient de Jésus-Christ. That you are fighting with God's children, it's a big deal. wenn wir Streit it's haben a big deal. Mit Kindern Gottes, we will talk about ist das eine, wichtige Sache, today. Die man ernst nehmen muss. Quand tu combats l'Église, tu combats les enfants de Dieu, ça c'est un problème vraiment très grave. Amen. Amen. That's how you know the voice of Satan. It's very clear and clear. C'est comme ça que tu comprends la voix du diable. C'est comme ça qu'il marche. Praise the Lord. Hallelujah. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. The lies of Satan. Die Lügen des Teufels. Les mensonges du diable. Wie lange wo sind wir? Ephesians. Ephesians 6. Ephesians 6. From verse 10. I've just read 10 and 11. Ephesians 6, 10 and 11. Ephesians 6, 10 and 11. He said, put on the whole armor of God. Die ganze armor of God is Christ. Die ganze Waffenrüstung ist Christus. Il a dit, it is the truth. Ist die Wahrheit. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre tous les reçus du diable. L'armure de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est sa vérité. Let your focus, be conscious of Christ. Be aware of Christ. Christus bewusst. Tu dois être vraiment conscient d'avoir Jésus-Christ. That's your armor. Das ist die ganze Waffenrüstung. La conscience de Jésus-Christ, ça, c'est l'armure de Dieu. It's not armor of prayer. Und nicht die Waffenrüstung des Gebets. No. C'est pas l'armure de prier. You can be praying and pray like, praying like the devil. The devil also pray. Beten und beten. He's praying that you fall. Auch. Aber Satan also pray. Ah, okay, ich verstehe. He's praying that you fall. Ach so, okay. Aber der Teufel, er betet, dass du fällst. Il dit que c'est pas seulement prier, parce que le diable aussi prie, il prie que tu puisses tomber. He's praying that you fall into his own trap. Er betet, dass du in seine Falle trittst. Il dit que il prie que tu puisses tomber dans ses attrapes. He's praying that you use his weapon to be fighting. Er betet, dass du seine Waffen nutzt, um zu kämpfen. Il prie que tu puisses travailler avec ses armures à lui. You is praying that you allow your body to be a vessel for him. Er betet, dass du zulässt, deinen Körper. He prays very well, even more than you. Prie, okay, parce qu'il veut que tu puisses laisser ton corps travailler pour lui. You know when Jesus was teaching the disciples how to pray, he said, "Don't pray like them, but because they love to pray." Als Jesus den Jüngern beigebracht hat zu beten, hat er gesagt, betet nicht wie die Pharisäer, denn sie lieben es zu beten. Même dans la Bible, Jésus-Christ même a dit, il ne faut pas prier comme eux, ils sont en train de prier, comme les pharisiens. Il faut prier comme moi, je veux vous dire comment de prier. Praise the Lord. But we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, of this world. Against spiritual wickedness in high places. Ah, can you see the fact? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Seht ihr diesen Kampf? Es geht eben nicht um Fleisch und Blut, es geht um Menschen. Donc il s'agit pas de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 14, it talks about the truth. It talks about the gospel. It talks about, in the next verse, it talks about faith. You know, all this, yeah, this is Christ. It's talking about Jesus Christ himself. Von all diese Teile dieser Waffenrüstung, ob es jetzt das Evangelium ist, ob es der Glauben ist, all das ist ja Christus selbst. Tous ces passages qu'on peut continuer à lire, là, on voit vraiment qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ partout. They are not, they should never be outside Christ. They should be inside Christ. Außerhalb von Christus sein, ist immer in Christus. Faut jamais soustraire tous ces passages de Jésus-Christ. C'est toujours à travers Jésus-Christ. That's why, you know, charity without Christ. It's evil. Deswegen ist die Liebe ohne Jesus it's Christus evil. Bösartig. C'est pour cela même la charité, même l'amour sans Jésus-Christ, ça c'est quelque chose de mal. Charity without Jesus Christ is evil. Liebe oder Wohltätigkeit ohne Jesus Christus ist bösartig. L'amour sans Jésus-Christ, c'est quelque chose de diabolique. If you give your body to be burned, it profits you nothing. Dass du nur deinen Körper hergibst, damit er verbrannt wird, das bringt dir nichts. Même si tu sacrifies ton corps, sans Jésus-Christ, ça te sert à rien. Because your praise is being sung everywhere. And not the praise of Jesus. Die Menschen feiern dich, aber nicht Jesus Christus. Parce que les gens vont voir ton sacrifice, vont te voir toi-même, mais ils vont pas voir Jésus-Christ dans ça. Your blood is useless without Christ. Dein Blut ist nutzlos ohne Christus. Sans Jésus-Christ, ton sang, c'est vraiment inutile. Même si tu es un prince. Whatever you are. Egal, was du für einen Titel hast. Peu importe quel titre tu as, ton sang, sans Jésus-Christ, c'est inutile. Praise the Lord. Alléluia. The Lord wants us to start from here. Amen. Because we are here a little bit on Wednesday. But he wants us to start from here. Amen. He said, Lucifer, who is now Satan, and his demon have one big dream. Der Herr möchte, dass wir mit diesem Punkt anfangen, dass der Satan und seine Dämonen einen großen Traum haben. Le diable et ses démons, eux, ils ont un grand rêve, un très grand rêve. And this dream for them is very big. Dieser Traum ist sehr groß für sie. Pour eux, ce rêve-là, c'est vraiment très grand. They always pray for this dream to come true. Sie beten dafür, dass dieser Traum zustande kommt. Ils prient vraiment, ils attendent que ce rêve puisse accomplir. Looking for a body to go through. Sie suchen nach einem Körper, durch den sie arbeiten können. Donc, ich cherche un corps à travers qui travailler. Since Lucifer, that is Satan, and his demons cannot rule here on earth. Weil der Satan und seine Dämonen hier auf Erden nicht dienen können, herrschen können. On sait que le diable et ses démons dans sur cette terre ici qui peuvent pas, ils peuvent pas conduire la terre. Without your body, without you, nicht herrschen können ohne deinen Körper. Ils peuvent pas régner dans cette terre sans notre corps. They need your cooperation. Sie brauchen deine Kooperation. Donc le diable a besoin de notre coopération. Satan needs your cooperation to steal, kill and destroy. Le diable a besoin de notre. Sie brauchen deine Einwilligung, um zu töten, stehlen, zu zerstören. Le diable a besoin de notre coopération pour détruire. Since they can rule heaven, and they have been kicked out to nowhere. Weil sie den Himmel eben nicht regieren konnten, wurden sie vertrieben. Und jetzt sind sie in einem Ort, an dem sie nicht ohne Körper herrschen können. Vu qu'ils ne pouvaient pas régner sur terre, ils ont été éloignés de là et maintenant sont en train de chercher un corps pour à travers qui travaille. They are looking for where to rule. Sie suchen nach einem Ort, an dem sie regieren können. Ich cherche une place où régner. The atmosphere is living. He cannot rule there. Diese Atmosphäre, in der er lebt, da kann er nicht regieren. Dans l'atmosphère où il vit là, il peut pas encore régner. No one can praise him there. Niemand kann ihn dort preisen. Y a personne qui peut le louer là-bas. Don't forget he wanted worship from the beginning. Vergiss nicht, dass er von Anfang an Lobpreis wollte. Faut pas oublier que dès le commencement il voulait être adoré. That was his number one desire. Das war sein größter Wunsch. Ça, c'était le premier désir du diable. Amen. That was his number one desire. The spirit of I. Dieser Geist vom Selbst. Donc son désir c'était seulement voir le soi, moi. Your enemy is not people. Your enemy is you. Dein Feind sind nicht Leute, sondern du selbst. Ton ennemi c'est pas les autres personnes, c'est toi-même ton ennemi. Jesus said, come unto me. Jesus, I will be your savior. Komm zu mir, ich werde dein Retter sein. Jésus a dit viens vers moi, c'est moi comme ça je serai ton sauveur. And if you come to him, nothing, you know, those people, whatever is outside, cannot even fight you. These people can do you nothing. Jesus sagt, komm zu mir, damit, weil andere Leute hier nichts antun können. Et quand tu viens vers lui, là, personne peut te combattre, parce que tu es avec lui. But you are seeing the problem. You are seeing outside as your problem, the people aber or whatever. Das ist unser Problem. Malgré ça, quelquefois on voit toujours de l'extérieur comme notre problème. But Jesus is saying, I am your problem. Come to me so that problem is solved. Aber Jesus sagt, I don't know if somebody's getting it. Ich bin euer Problem und ich bin auch eure Lösung. Deswegen kommt zu mir. Mais Jésus-Christ a dit que quand vous avez des problèmes, je suis votre problème. Venez vers moi, comme ça je vais vous donner la solution. Because those problems for them to be solved, you cannot even solve them. They can never be solved. Denn diese Probleme können von selbst nicht gelöst werden. Parce que les problèmes de ce monde peuvent jamais être sauvés. You can cut the branch or the leaves, but the roots still remain. Du kannst die Äste abschneiden. Aber der Baum bleibt. Tu peux même détruire les fruits ou comment on appelle est? Les branches. Les branches, voilà. Tu peux même détruire les branches, mais ce qui reste, c'est les voûtes. Les voûtes, c'est ça comme voûtes, normalement. La racine, voilà, la racine. It's like a tree. A tree, once you cut the head, it is going to grow because the root is still there. Dieser Baum wird nachwachsen, weil dieser Wurzel ist immer noch da. C'est comme par exemple un arbre, même si tu détruis cet arbre tant qu'il y a de la racine, ça va toujours. The only person that can pull the root is Christ. Die einzige Person, die diese Wurzel wegmachen kann, ist Christus. La seule personne qui peut enlever cette racine, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. And that's why once he says it's over, it is over. Wenn er sagt, dass es vorbei ist, dann ist es auch wirklich vorbei. C'est pour cela seulement quand Jésus-Christ dit que c'est fini, là c'est vraiment fini parce que c'est lui qui enlève la racine. Praise the Lord. But we will not go to him. Mais nous, malgré ça, on ne part pas chez lui. We see people, we see outside as the problem. Sie sehen das Äußere als das Problem. On ne part pas vers lui, on voit seulement l'extérieur comme notre problème. Amen. Amen. And that's why problems are never solved. Deswegen lösen sich Probleme nicht. Et c'est pour cela, on a toujours des problèmes, mais on n'a pas de solutions. Praise the Lord. He has to get to somewhere for someone to worship him. A Satan. Der Teufel braucht Zugang, damit Leute ihm dienen. Le diable a besoin d'un corps pour travailler ici sur terre. He cannot operate here legally, you know, without a body. Er kann hier nicht legal arbeiten ohne einen Körper. Sans un corps ici dans ce monde, il est illégal ici. He can operate through trees. Er kann durch Bäume arbeiten. Il peut même travailler à travers un corps. He can operate through bodies, you Körper, and me. Durch du und ich. Der Teufel. He can operate through animals. Er kann auch durch Tiere arbeiten. Le diable peut aussi travailler à travers les animaux. He can operate through plants. Auch durch Pflanzen. Plants. If I say tree, I mean plants. Durch Pflanzen. À travers les plantes. Remember what Jesus calls the fig tree. Erinnert euch daran, als Jesus diesen Feigenbaum verflucht hat. C'est comme rappelez-vous que quand Jésus-Christ a maudit l'arbre feigen. L'arbre de figuier. Satan can operate through your account. Der Teufel kann durch dein Konto arbeiten. Le diable peut même travailler à travers ton compte de la banque. He can operate through weather. He can, you know, he needs something here to go through. Er braucht etwas, durch das er arbeiten kann. Donc il a besoin de quelque chose à travers. If you go to Matthew 21. Wenn wir zu Matthäus 21 gehen. Mark 11. Und Markus 11. You know, Jesus spoke to a fig tree. Jesus sprach zu einem Feigenbaum. Jésus-Christ a parlé à un arbre de figuier. The Bible says he answered the fig tree. Die Bibel sagt, er hat dem Feigenbaum geantwortet. La Bible a dit qu'il a répondu à cet arbre. He answered, he replied the fig tree. It means the fig tree spoke to him. Das heißt, der Feigenbaum hat ihn geantwortet. Donc ça signifie que cet arbre là, ça l'a répondu. And so also your account will speak to you. Genauso kann auch dein Konto zu dir sprechen. Et c'est comme ça aussi notre compte, quelquefois, ça parle aussi. Ça nous fait voir zéro, on n'a rien. Mauvais athée, piaka. Der Teufel, also Jesus konnte mit dir sagen, weil ich auf Null bin, bist du ein Niemand, ein Nichtsnutz. Du bist arm. Comme si, c'est comme si, Mangel. C'est aussi comme ça que le diable parle à travers notre compte pour nous dire que tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux rien faire. He speaks in so many ways. Er spricht auf so viele unterschiedliche Weise. Donc il parle à travers beaucoup de manières, à travers beaucoup de manières. He will speak to you through your body, those pains. Satan is the one speaking. Auch er, der Teufel kann auch durch deinen Körper zu dir sprechen, durch diese Schmerzen, die du verspürst, die dir sagen wollen, dass du halt, dass du eben nicht geheilt bist, dass du eben nicht gesegnet bist. Le diable nous parle aussi à travers notre corps quand on a des malaises, quand on a du mal dans le corps pour nous dire que ton corps n'est pas bien, tu es malade. He will speak to you through mountains. Durch Berge kann er auch zu dir sprechen. Mountain. Le diable peut aussi parler à travers les montagnes. Jesus said you are to speak to mountains. Jesus sagt, wir sollen zu dem Berg sprechen. Mais Jésus-Christ nous a dit que nous, on a le pouvoir de parler aux montagnes. Praise the Lord. Amen. He cannot operate here on earth without. That is why if you do not see things, if your concentration can be Christ, Satan failed. Wenn deine Konzentration auf Christus liegt, ist der Teufel entblößt und ein Verlierer. Donc, c'est loser. Quand tu as ta concentration vers Jésus-Christ, là le diable ne peut rien faire parce qu'il est déjà détruit dans ce moment-là. Because he can operate through your exam, your the result that comes to you. You fail. You say, look at it. You fail. Er kann selbst durch deine solche Prüfungen zu dir sprechen. Und sagt, guck mal, du hast versagt. Du bist nichts nutzt. Il peut même parler à travers tes résultats de l'école. Tu es en train d'étudier, mais quand ton résultat est zéro, là c'est le diable qui te dit que tu dépends de ton résultat. You better take your eyes away from here. Aber wir müssen unsere Augen wegnehmen von dem Fleisch. C'est pour cela que c'est important d'avoir ta concentration totalement à Jésus-Christ. On va lire Colossiens 3. Praise the Lord. He will tell you don't have children. You don't have this. You don't have this. Always you don't have, you don't have. You don't have friends. Er wird dir immer wieder sagen, du hast keine Kinder, du hast keine Freunde, du hast niemanden. No one loves you. Niemand liebt dich. But remind him that Jesus loves you. Aber erinnere den Satan daran, dass Jesus Christus schon dich liebt. Amen. Il va te dire que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, il n'y a personne qui t'aime. Mais toi, tu dois lui rappeler que Jésus Christ, lui, il t'aime. Et ça te suffit. This very place we are going to read is very, very important. Amen. Amen. Ce qu'on va lire, c'est vraiment très important. Colossiens 3, 1, 2, 3. Or let me say 1, 2, 3. Colossiens 3, à partir de 1 to 4. Jusqu'à 4. He said, if you then be risen with Christ, save those things which are above. Let your focus be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. Recherchez donc les réalités d'en haut, que Jésus-Christ soit votre concentration. Take your focus away from things. Nimm deinen Fokus weg von dem Konto. Your body, dein your Körper, face, deine Schmerzen. Enlève ta concentration de ce monde ici, de ton corps qui te fait mal, de la réussite, de ton argent, de ton compte. How do you do that? Wie machst du das? Because you have to know how to do that. Du musst wissen, wie das funktioniert. On doit savoir et comprendre comment ça fonctionne, comment on fait ça. You don't just ignore things. Wir ignorieren Dinge nicht einfach. C'est pas qu'on doit ignorer les histoires. Amen. You don't ignore things for things to solve. Wir ignorieren Dinge nicht, damit Dinge sich lösen. On ignore pas les histoires pour que les histoires puissent. It is Christ that is the solution. Jesus Christus ist die Lösung. And not ignorance or ignoring things. I don't know if you get it. Und nicht Ignoranz. C'est pas l'ignorance qui est notre solution. C'est Jésus Christ qui est notre solution. Amen. Amen. You remind whatever problem it is, Christ. Wir erinnern das Problem an Christus. Chaque problème qu'on a, on doit dire qu'on a Jésus Christ. On doit se rappeler de Jésus Christ. If it is your body, you tell your body that Jesus, you know, your body belongs to Jesus. Darkness and light cannot live together. You remind him. You remind your body. That's why you know your body is to obey you. Deswegen muss unser Körper uns gehorchen. Wir müssen unseren Körper an das Wort Gottes erinnern, was ihm überlegen ist. on doit toujours rappeler à notre corps, on doit toujours parler à notre corps. Par exemple, quand tu as quelque chose qui te fait mal, tu dis à ton corps, écoute, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, rappelle à ton corps, parle à ton corps que tu as Jésus-Christ. He said, by his stripes you are healed. Steht, I know you are going to heal. Seine Wunden sind wir you are already healed. Wir sind schon geheilt. La Bible dit qu'on est guéri à travers les blessures de Jésus-Christ. If it is about you know money, financial problem. Wenn es um Geld geht. Remember Joseph. Et si il s'agit de finances, rappelle-toi Joseph. Erinnert euch an Joseph. He was a slave. Er war ein Sklave. Genesis 39. Joseph était un esclave. A slave. Ein Sklave. Ein Sklave. That had nothing. Der nichts. Il n'avait rien. Wir hatten sogar mehr Besitz als même, er heute. Même nous, on a plus que Joseph à l'époque. The Bible called him a prosperous man. Die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. La Bible l'appelle quelqu'un qui était vraiment vrai He was not even having any account. But you have account that is equal zero. Er hatte nicht mal ein Konto. Du hast zwar ein Konto, was auf null ist, aber er hatte kein Konto. Minus. La Bible dit que s'il est quelqu'un de très riche, il a été quelqu'un de très riche, un des plus riches dans ce monde, et il n'avait rien au commencement. Nous maintenant là, à présent, on a même plus que lui. Joseph was not having anything. Joseph hatte nichts. Joseph n'avait rien, il était un esclave. Naked before the, you know, if you read that very plain Genesis 39, it is interesting. That will help you to take your focus away because it's not. C'est important de connaître ce passage à Genèse 39, là où on a expliqué la vie de Joseph. How we have victory. Wie wir Erfolg haben. How to have victory. How you can see your victory. Wie wir unseren Erfolg sehen. Take your eyes away from here. Let it be. Amen. Let it be here. What this place is talking about. Unsere Augen von irdischen wegnehmen und auf das Geistliche setzen. Amen. Comment voir notre vie ici sur terre. Les enfants de Dieu, on doit voir. On a notre victoire quand on enlève notre concentration de ce monde, quand on se concentre jusqu'à la vie céleste avec Jésus-Christ. If people are against you, the whole world is against you. Like Elisha, the Syrian armies, they were there fighting him. Wie als die ganze Welt, wenn die ganze Welt gegen dich ist, wie Elijah beispielsweise, der verhaftet werden sollte von zigtausend von Soldaten. Même quand tout le monde est contre toi. Rappelle-toi à l'histoire de Élie, quand toute une armée était contre lui. Look at verse 2. Verse 2. Elijah set his affection on things above or not on things on earth. You see it there? Mm. I said, Colossians 3. Also, steht das da? Yeah. Okay, du hast Elijah gesagt. Okay, I just put, you can even put your name there. Okay, praise the Lord. Verse 2. Hallelujah. Verse 2. Elijah, you know, set his affection on things above, not on things on the earth. Elijah hat sozusagen nach dem, was oben ist, getrachtet und nicht auf das, was auf Erden ist. Dans verset 2, il est aussi écrit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers de celui qui appartient à la terre. Et Élie, il a fait ça aussi, il avait sa concentration en haut. He said, for you are dead. The old man is dead. The old man is dead. Donc là, if any man be in Christ, it's a new creature. Wenn jemand in Christus ist, c'est un neuer Schöpfer. Quand tu viens vers Jésus-Christ, c'est une nouvelle création. And your new life is hid with Christ in God. That is you, the new you. Ist verborgen mit Christus. Et das neue wir. Notre nouvelle vie, c'est ça a une réalité d'en haut, donc c'est concentré en Jésus-Christ et pas de. The all see the flesh, the all see your account, the all see the pain, the all see you not see the natural, but the new see Christ. Das alte sieht das Fleisch, das Natürliche, aber das neue sieht Christus. Notre vie ancienne voit la réalité de cette terre, mais notre nouvelle vie en Jésus-Christ, ça voit seulement la réalité d'en haut. He cannot operate here on earth legally without a body. That is Satan. Der Satan kann hier auf Erden nur mit einem Körper arbeiten. Donc, comme je disais, le diable peut seulement travailler ici par terre à travers un corps. So the number one goal of every demon is to possess a body. Deswegen so as to make him legal. Deswegen ist sein Ziel, einen Körper zu besitzen, damit er hier legal arbeiten kann. C'est pour cela le diable est et le diable et ses démons, ils veulent toujours posséder un corps ici pour travailler donc sur cette terre. The Bible says you allow your body to be made for God and God for your body. Bibel sagt, wir lassen zu, dass Gott für unseren Körper ist, unser Körper für Gott. C'est la Bible dit que c'est nous-mêmes qui avons choisi de faire cette décision de laisser Dieu travailler sur, dans notre corps et que oui, il vive. Your body is a temple. Unser Körper ist der Tempel notre Gottes. Corps est un temple de Dieu. You choose the temple that you want it to be. Also, unser Körper ist ein Tempel und wir entscheiden, wem dieser Tempel gehört. Notre corps c'est un temple et c'est toi qui décides s'il doit être un temple de Dieu ou du diable. The Bible says, allow your body to be the temple of the Holy Spirit and not that of the unholy spirit. Wie gesagt, wir sollen zulassen, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. La Bible dit qu'on doit vraiment laisser que notre corps soit un temple de Dieu. It is the temple. Allow it to be the temple of the Holy Ghost and not the temple of the unholy ghost. Wir müssen zulassen, dass er der Tempel des Heiligen Geistes ist und nicht der Tempel eines unheiligen Geistes. Tu dois faire, on doit décider que notre corps soit un temple du Saint-Esprit et pas de l'Esprit qui n'est pas saint. Remember in Genesis 3, Satan needed a body. Erinnert euch an 1. Mose 3, der Teufel brauchte einen Körper. Rappelez-vous de Genèse 1, le diable 1-3, le diable avait besoin d'un corps. A serpent gave him one. Und die Schlange gab ihm einen. Et le serpent lui a donné son corps. You know how many times we allow him to go through our body today. Ihr wisst, wie oft wir manchmal zulassen, dass der Teufel durch unser Körper arbeitet. Est-ce qu'on sait combien de fois on autorise le diable à travailler à travers notre corps? All this fighting with one another. Wenn wir einander bekämpfen. Quand on se combat l'un à l'autre. All this misunderstanding. All diese Missverständnisse. Quand on a des incompréhensions. To fight, you know, all this strife is not normal. All diese Streitigkeiten in der normalen Welt, in der normalen Welt ist das normal, sich zu streiten, sich zu zanken. Dans le monde sur terre ici, c'est normal d'avoir des problèmes. Mais dans le monde de Jésus-Christ, surnaturellement, c'est pas normal d'avoir des problèmes qu'on a quelquefois. In the natural world, you know, to husband and wife to fight, misunderstanding, you know, it is just, people see, you know, especially in Africa, we see it as normal. Even in Benin, they always say, your tongue and your teeth fight, talk less of people. Mm-hmm. Your tongue, you know, well, sometimes your teeth bite your tongue. They said they are fighting. If they can, how close they are, they can fight, talk less of people. Mm-hmm. That is how they see. You know, fighting one another, angry with one another, as so normal that is it means it must be, and that is evil before Christ. In der Welt ist das normal, dass Familien, Ehepaare sich streiten, und besonders auch in Afrika, da gibt es ein Sprichwort, was sagt, wenn selbst wenn deine Zähne manchmal mit deiner Zunge im Kampf sind, weil du dir manchmal aus Versehen auf die Zunge beißt. Und dadurch sozusagen ein Konflikt ist zwischen Zähne und Zunge. Wie viel mehr müssen es Konflikte geben zwischen Ehepaaren, die sich ja noch nicht mal genauso nah sind wie eine Zunge und eine Zähne. Und damit rechtfertigen die diese Streitigkeiten und sagen, es ist normal und man soll sich darüber keine Gedanken machen. Aber es ist teuflisch, es ist nicht Christus. Dans le monde naturel, quelquefois on dit que même quand des mariés ont des problèmes, que ça c'est totalement normal, c'est pas un problème. Mais ils disent aussi même, ils nous expliquent aussi que même en Afrique, on dit aussi quelquefois que ta langue et tes dents, même si ta langue et tes dents, quelquefois tu te mords dans ta langue, ils disent que c'est normal que même si un organe de ta bouche peut avoir un incompréhension, comment alors le monde naturel, des mariés doivent aussi avoir des problèmes, c'est normal. Our old life is full of fights. Unser altes Leben war voll von Streit. Notre vie passée, c'était plein de problèmes et des incompréhensions. Full of Satan's weapons. Voll von den Waffen des Teufels. C'était rempli des armures du diable. Miles. hatred, bitterness or forgiveness. That is the old man. Unvergebenheit, Menschen ignorieren, Streitsucht, all diese Dinge waren normal. On avait des armes du diable, c'est y compris avoir des problèmes dans le cœur, avoir un cœur endurci, problème avec autre personne. Ça, c'était notre vie naturelle, notre ancienne vie. That old man is dead and buried. Aber dieser alte Mensch ist tot und begraben. Cette ancienne vie, notre ancienne personne, elle est morte et enterrée. Verse 3 of Colossians 3. He said, for you are dead. Colossians 3. And your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear. Christ is your new life. Christus ist dein neues Leben. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Jésus-Christ est notre nouvelle vie. You don't learn to live that new life. You learn yet this new life to führen. On doit apprendre à vivre la vie en Jésus-Christ. Satan has been using the old life. It was his own property. Der Teufel hat das alte Leben benutzt. Es war sein Besitz. Le diable a utilisé notre ancienne vie. Ça c'était son, c'était ça, ça appartenait à lui, notre ancienne vie. You now have that of Christ. Wir haben jetzt das Leben von Christus. Maintenant on a la vie de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Satan needed a body, and the serpent gave him one. Brauchte einen Körper und die Schlange hat ihm seinen Körper gegeben. Le diable avait besoin d'un corps et le serpent lui a donné le sien. And he succeeded in destroying man. Und er hat es geschafft, den Menschen zu zerstören. He was successful. Et il a war erfolgreich. Et il a réussi à détruire l'homme, l'être humain, Adam. Amen. Amen. Do you know how many while he have been praying to have a body even to destroy this ministry? Wisst ihr, wie sehr er schon darauf gehofft hat, einen Körper zu haben, um diese Gemeinde zu zerstören? Est-ce que tu sais même combien le diable a essayé de détruire cette église à travers quelqu'un? Because this ministry is opposite him. Opposite. You know what is opposite? Mm-hmm. Opposite. Cette église, c'est le contraire du diable. Amen. Amen. Amen. And how we have been trying to allow him to go through us. Aber wie wir in one way or the other. Oft schon zugelassen haben, dass der Teufel durch uns arbeitet. Et combien de fois on a accepté, on a autorisé au diable de travailler à travers nous pour des incompréhensions dans les églises. Praise the Lord. Hallelujah. Let us stop. Huh? Stop. Stop allowing our body to be his own vessel. Lass uns aufhören zuzulassen, dass der Teufel unseren Körper als Gefäß nutzt. On doit arrêter à autoriser le diable à travailler à travers notre corps. We'll talk about strife later. Amen. Wir werden auch später über Streit sprechen. On va parler de discussion après. Satan is a spirit. Der Teufel ist ein Geist. Le diable est un esprit. He lives in the atmosphere. Und er lebt in der Atmosphäre. Il vit dans des atmosphères. And he have a body in that atmosphere. In dieser Atmosphäre hat er sozusagen einen Körper. Et dans cette atmosphère là, il a un corps. But he cannot use that body in this physical world. Aber diesen Körper kann er in dieser physischen Welt nicht benutzen. Et avec son corps là, il peut pas utiliser ça dans ce monde physique ici. With that body, he is illegal here. Mit diesem Körper ist er illegal hier. Avec le corps qu'il a là-bas, il est illégal ici dans ce. He needs a body here. Er braucht einen Körper hier, um hier zu leben. Et c'est pour cela il a besoin d'un corps pour vivre ici. So also is the Holy Spirit. So ist auch der Heilige Geist. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. He loves, you know, Jesus wants you to be here. Jesus möchte, dass du hier auf Erden bist. Jésus-Christ veut qu'on puisse être ici. If you are not here, he cannot go through something. He needs you. I don't know if you are getting it. Si on n'est pas ici sur terre, Jésus-Christ ne peut pas travailler à travers nous. And that's why who wants you to be here? It's not even you. It's either Christ or Satan. Und, I don't know, are you getting something? Noch nicht mal du willst, dass du auf Erden bleibst, sondern es ist entweder der Teufel oder Jesus, will, dass du auf Erden bleibst. Donc, vu cet aspect-là, on peut comprendre que c'est toujours ou le diable ou Jésus-Christ qui veut que tu puisses être dans ce monde ici, dans cette terre. The Lord does not want you to die. He wants you to live. Der Herr nicht, dass du stirbst, er will, dass du lebst. Dieu ne veut pas qu'on puisse mourir, il veut qu'on puisse vivre. Jesus, when he was praying for us in the book of John, He said, I do not pray that you take them away from here, but keep them from the evil one. Jesus hat gesagt, ey, ich bete nicht dafür, dass du sie wegnimmst, Vater, sondern dass du sie hier behältst und vor dem Bösen schützt. Jésus-Christ a prié pour nous. Il a dit à Dieu, je ne veux pas que tu puisses les enlever de ce monde ici. Je veux seulement que tu puisses les leur protéger de ce monde qui est mauvais. Because Jesus knows, he knows how he needs you here. Then Jesus knows here. Il a dit ça parce qu'il savait qu'il a besoin de nous ici. He called you his own ambassador. Er nennt uns seine Botschafter. Il nous a appelé leur son ambassadeur. You are a living country. Wir sind ein lebendes country. Land. Donc on a walking country. Ein wandelndes Land. On est un pays vraiment qui est en train de vivre. Das Königreich Gottes. If you are a child of God, anywhere you go, it's a kingdom that arrives. Amen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann dort, wo du auftauchst, taucht das Königreich Gottes auf. Amen. An ambassador of just arriving. Ein Botschafter ist gerade angekommen. Si tu es un enfant de Dieu, sache que partout où tu pars, un ambassadeur est là. Donc tout que Jésus-Christ, il est aussi avec les personnes, comment dire. So if you belong to that of Satan, if you belong to that of Satan, zum Teufel gehören. Si tu appartiens au diable. Once you walk in, Satan rejoices that he is there. Ist genauso auch, dass der Teufel sich freut über diese Gegenwart, weil er deine Gegenwart nutzen kann für seine Pläne. Si tu es du diable, le diable aussi il est content parce qu'il sait que son armature est avec va travailler. Satan and his demons can do man nothing until they get a body which is called exo. Der Satan, sein Dämon, kann den Menschen nichts, erst wenn er einen Körper einnimmt. Le diable et ses démons peuvent rien faire sur terre. Ils ont besoin d'un corps pour travailler ici. Because of some of you here, let's go to Genesis 3. And those of the people that listen through phone or internet. Amen. Genèse 3. Genesis. 1 Mose. So sorry, Genesis 3. Go to Genesis 3. On va lire Genèse 3. 1 Mose 3. Genesis 3. We will read verse 1 to 3. 1 bis 3. On va lire 1 à 3. He said, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, you shall. No, this was not just a serpent, but Satan. Das war nicht nur eine Schlange, sondern der Teufel. Ici, il parle du serpent, mais c'était pas seulement le serpent, c'était le diable. You don't have conversation with Satan. Wir haben keinen Austausch mit dem Teufel. Non, on n'a pas de conversation avec le diable. You don't prove anything to Satan. Wir beweisen den Teufel nicht. On n'a rien à lui prouver. And that is why I know somebody is arguing with you concerning Christ. Don't just argue with him. Christus, dann diskutier nicht. Ça signifie que quand même quand quelqu'un veut te discuter avec toi sur Jésus-Christ, faut même pas discuter avec la personne. Don't prove anything to anybody. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Parce que tu dois prouver rien à personne. If you remember John 6. Wenn wir Johannes 6 uns an Johannes 6 erinnern. Je rappelle à Jean 6. They all ran away from Jesus, a lot of them. Viele sind vor Jesus weggerannt. Tout le monde ont détourné leur dos vers Jésus. Because he said, you will eat my flesh and drink my blood. It was a vaccine. Ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Quand il a expliqué que vous allez manger mon corps et boire mon sang. But Jesus did not say, come, so that I will explain to you. Aber Jesus hat nicht gesagt, wartet. Ich erkläre euch das mal. Mais dans ce point-là, Jésus-Christ n'a pas dit, je veux vous expliquer ce que je veux dire par là. Il ne nous a même pas rappelé. Amen. Because you don't discuss with Satan. Du diskutierst mit dem Teufel. Parce que il ne discute pas avec le diable. Rejecting Christ is Satan. Jesus verweigern ist teuflisch. De tourner ton dos vers Jésus-Christ, ça c'est démonique. Rejecting the truth is demonic. Die Wahrheit verweigern ist dämonisch. Rejeter la vérité, ça c'est diabolique. And so somebody that is of the spirit, don't argue with them. Just leave them to go with their spirit. It's better. Wenn wir im Geist sind, lassen wir nicht zu, dass wir mit dem Teufel diskutieren. If you look at here, si quelqu'un parle avec toi, il a des mauvais esprits, il faut seulement laisser la personne. If you look at here, the woman started discussing. You know, hier Eva ist auf das Gespräch eingegangen leider. Ici on voit la femme Eve, elle a commencé à parler avec elle a commencé à avoir une discussion avec le serpent. Anstatt direkt zu sagen, verschwinde Satan, gerade hier. Au lieu de dire, laisse-moi en paix. He Yeah, you know, the first verse is called God a liar. You Vers. Shall not eat of the tree of the garden. Did he say so? Hat das gesagt? Is that what he said? Il a dit vraiment, Dieu a dit que vous n'avez pas le droit de manger cette fruit. He's questioning what God said. Er stellt das in Frage, was Gott gesagt Donc hat. C'est comme s'il disait que Dieu est un menteur. And the woman said unto the serpent, we may eat of the tree of the fruit of the trees of the garden, but of the tree of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it. Lest you die. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. And the serpent said in verse 4, you shall not surely die. Und die Schlange hat sich gesagt, Gott ist ein Lügner, das stimmt nicht. Et verset 4, le diable dit que Dieu est un menteur, ça c'est pas vrai. Praise the Lord. Hallelujah. God is hiding, verse 5, he said God is hiding something from you. Gott versteckt etwas für euch. Verset 4, il dit que Dieu, il... Also bombelait. Let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. And if you also go to Matthew 16, God and Satan spoke through Peter. Und auch Matthäus 16 almost at the same time. Sehen wir, wie Gott einmal durch Petrus spricht, aber dann auf einmal der Teufel durch ihn spricht. En Matthäus, on voit aussi quand Dieu parle à travers Let's Pierre, et le diable au même moment parle aussi à travers Pierre. C'est à Matthieu 16. Praise the Lord. Matthieu 16. Matthieu 16. You know, Jesus was asking them, who do you two think I am? Jesus fragt sie, für wen haltet ihr mich? Dieu demandait, tu penses que vous pensez que je suis qui? I will quickly read. When Jesus was at the coast, from verse 13, of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I the Son of Man am? Matthieu 16, verset 13. Matthäus 6, vers 3. 3 oder 13? 13. From 13 now. 13, okay. From 13. Matthäus 16, Vers 13. 13, cool. Can you say that in French? Who do men say that I am, that the Son of Man am? 13, hein? Mm-hmm. Là, Jésus répondit dans la religion de Césarien de Philippe et interroga ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il après eux? He said, they said, some say that thou art John the Baptist. Il répondit pour. Oh, sorry. Some in Elias, and others Jeremiah, and one of the prophets, they said different thing. You know, the Muslims, they call him a good man. Les musulmans nennent un groupe de personnes. Ils ont donné des réponses différentes, comme les musulmans l'appellent aussi que Jésus disent aussi que Jésus-Christ était un prophète. Verse 15. He said unto them, but who say ye that I am? What about you? Et puis il a demandé qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Now you and me, who do you think I am? Who do you say I am? Für wen haltet ihr mich? I've heard what others are saying. But what about you? Sagen, aber was mit dir? J'ai écouté ce que les autres ont dit. Mais qu'est-ce que vous pensez que je suis? Amen. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Praise the Lord. Simon Pierre, Simon Pierre lui répondit qu'il est le Messie et Jésus-Christ a dit tu es heureux Simon car c'est pas la chair qui t'a révélé ça. Donc il parle de la révélation. It is only through revelation you can know the true God. Nur durch Offenbarung kannst du den wahrhaftigen Gott kennen. C'est seulement à travers la révélation que tu peux reconnaître le Jésus-Christ. He said this is not the result of flesh and blood. But the result of the spirit. Das ist nicht die Schlussfolgerung des Fleisches, sondern des Geistes. Il a dit que ça c'est pas le résultat de la chair, c'est le résultat de la de l'esprit. That is why I talk to Jesus. It's not flesh and blood. No flesh and blood can bring you here. Deswegen kein Fleisch und Blut kann ich hinbringen. C'est pour cela venir vers Jésus-Christ ou dans cette église par exemple, c'est pas la chair qui t'emmène ici, c'est seulement. If flesh and blood bring you here, if that flesh and blood is going to take you away. Wenn Fleisch und Blut, flesh and blood, dich in, will kick you out. In dich in die Gemeinde bringen, werden Fleisch und Blut dich auch aus der Gemeinde raustreiben. Si c'est la chair qui t'emmène ici dans cette église par exemple, c'est la même chair là qui va te relever d'ici. Are you deaf, chant? Can you help us to read verse 18? Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen die nicht überwältigen. Thank you. Et moi je déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Nothing. The gate of hell, that is, you know, the grave cannot stop it. Das Grab kann es nicht aufhalten. La mort ne peut même pas l'arrêter. Amen. And I will give. Look at verse 19, very, very interesting. The kingdom of heaven. The keys. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Amen. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be lost in heaven. That's what I mean. Amen. Und das gilt für uns. C'est aussi pour nous. Il est écrit à 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur terre sera interdit aux cieux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Just because of one revelation. Wegen einer Offenbarung. Seulement pour une révélation. You know how many revelations you have, the Lord has revealed to you. How many things? So many. Est-ce que tu sais combien de révélations Dieu t'a révélé à toi-même? You have more than keys. Donc on a même plus de révélations que Paul avait dans ce à cette époque-là. Praise the Lord. Amen. Then from 20, then charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus, the Christ. Lord Jesus, he has wanting. He's not there for show off. Jesus Christus ist kein Angeber. Ici, même verset 20, il dit que il n'a pas interdit à ses disciples de se vanter. You know, there is not the show off of this world. What people call show off. Er ist nicht das, was diese Welt Angeber nennt. Il n'est pas un vantard comme ce monde appelle vantard. You know, they don't. They want to sing. They just first of all condemn their voice. Wenn zum Beispiel singen wollen. I cannot sing. You know my voice. But you know how you know that they don't even mean it. After singing, they'll tell them your voice was terrible. They will fight you. Und Menschen sind halt immer, dass die halt erstmal sich runtermachen, um halt demütig auszusehen. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht demütig, sondern gutmütig und sagen es einfach nur extra, um sich zu erhöhen. Und wenn du dann wirklich sagst, ja, du hast echt recht gehabt, dein Lied war echt schlimm, meine Ohren haben fast geblutet. Wir müssen mal gucken, wie die Person darauf reagiert, ob sie dann sagen wird, habe ich euch gesagt oder hä, was laberst du? Das stimmt doch gar nicht, ich kann nur vor Wut singen, hast du schon nicht hingehört? Elle a donné un exemple des gens d'un vantard. Il dit par exemple, s'il y a un vantard qui sait chanter, il te dit, ah, je ne sais pas chanter. Mais dès qu'il commence à chanter, tu vois qu'elle a une belle voix. Et si tu fais une gaffe, tu dis à cette personne-là qui a bien chanté, ah, tu avais raison, ta voix était horrible. La même personne va commencer à te combattre. Donc, c'est lui-même qui faisait genre, s'est vanté genre, je n'ai pas une belle voix. For Jesus, it's never show off. What man call show off? Jesus prideness. You know how Mais you Dieu know n'est that. Pas un vantard. Jésus n'est pas un vantard. When he died and he rose from the dead, he never showed himself to those people that killed him. Als Jesus auferstanden ist, hat er sich den Leuten gezeigt, die ihn missbraucht haben. What sort of man is this? Die ihn, I will just say, look at me, oh, see again. Hey! I tell you, Stephen, look at me. Elle dit par exemple, comment on va savoir que Dieu n'est pas, Jésus-Christ n'était pas un vantard? Parce que quand il est ressuscité des morts, il n'est même pas parti chez les gens qui l'avaient crucifié pour dire, ah regardez, j'avais raison. Il est seulement parti chez les enfants de Dieu. Et elle dit, nous ici, par exemple, elle allait même partir à CNN, elle va dire que, regardez, Je suis ressuscité. Did I not tell you I cannot be dead? Did I not tell you? Look at me, come and count it. For Jesus is so wonderful. Direct opposite. Direct opposite. Mm-hmm. For him, it's not about here. Gezeigt, hätten, wären zu den Leuten gegangen, die uns misshandelt haben und hätten die gequält und hätten die im Albträumen heimgesucht und alles gemacht mit denen, um denen einfach nur zu zeigen, dass man Gott ist. Aber Jesus hatte sowas nicht nötig. Si c'était nous, on allait se vanter, on allait faire voir aux gens qui nous ont crucifiés qu'on est vraiment ressuscité. Mais Jésus-Christ était différent. Jésus-Christ n'avait pas besoin de se vanter. Religious people will say, oh, don't bring it out so that people will come, more people will come to God. Oder religiöse Leute würden sagen, so that people will come to church. Wir müssen das öffentlich machen, wir müssen das verbreiten, damit Leute deswegen auch in die Gemeinde kommen. Les gens religieux, eux, ils allaient dire que oui, il faut faire voir ça aux gens pour que les gens puissent vraiment venir à l'église. Jesus said, don't show it, don't let them know that I'm Christ. Oh, Jesus said, sag ihnen nicht, dass ich Christus bin. Mais Jésus les a interdit de dire que c'est lui le Messie. You can see how he loved faith. Ihr seht, wie sehr den Glauben liebt. Et à travers ça, on voit comment il aime la foi. Not coming to him to get anything, but just come to him to know him. Donc, and have a relationship with your father. Zu ihm kommen wegen ihm, aber nicht wegen Dingen. Faut venir vers lui. À cause de lui-même, à cause de Jésus-Christ et pas à cause des choses mondaines. Until people have problems, they never go to church. Wenn Leute Probleme haben, kommen sie zur Gemeinde. Les gens viennent toujours dans des églises parce qu'ils ont des problèmes. They pick and choose when they go to church. Die entscheiden, wann sie zur Gemeinde kommen, wann es ihnen passt. Eux-mêmes, ils décident quand partir à l'église, quand ils ont des problèmes. Praise the Lord. Je nach Laune und Lust geht man in die Gemeinde. You know how you know you are mature when you are really in the natural world. You have job. You know, if you have lust or not, you go. Deine Arbeit beispielsweise. Du gehst da nicht nach Laune und Lust. I don't know if you are getting it. Par exemple, quand on part au travail, on part pas parce qu'on a envie ou bien. That is maturity. Que tu puisses vouloir ou pas, tu in the natural world. Das ist Reife in der natürlichen Welt. Das ist ein erwachsener Mensch. We're not children. C'est comme ça quelqu'un qui est âgé dans ce monde ici, c'est comme ça qu'il réagit. You know, children, when they wake up, they don't want to go to school. They start giving one excuse or the other. I'm having headache. I'm having stomach pain. They don't want to go. But I'm having this. I'm just tired. I'm tired. You know, but you know, somebody, you know, to be an adult, you know that job is very important for you. Zum Beispiel, du bist ein kleines Kind und du sagst, oh, ich habe gar keinen Bock auf die Schule heute. Ich sag einfach, ich bin müde oder ich bin krank und sag irgendwas. Und auf einmal kommt der Vater rein und sagt, hey, das ist keine Ausrede. Ich kann auch nicht sagen, dass ich müde bin oder dass ich keine Lust habe und deswegen gehe ich nicht zur Arbeit. Jeder in der natürlichen Welt versteht ja dieses Prinzip von Ernsthaftigkeit und Reife. Dans le principe de ce monde, par exemple, on peut voir que quand un enfant est immature, il n'a pas envie de partir à l'école et il dit que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Mais quand tu es adulte, quand tu as grandi et tu es quelqu'un adulte, là, même si tu as mal au ventre, tu pars toujours au travail parce que tu sais l'importance de ce travail-là. Praise the Lord. That is also in Christ's world. Und so ist auch im Königreich. Et c'est la même chose aussi dans notre au royaume de Jésus-Christ. You're coming here is not because you have problems. Don't allow, don't make it that way. Wir kommen nicht hierhin, weil wir Probleme haben, weil wir gesucht werden oder irgendwas suchen. Es soll uns um Christus gehen. Und dans la vie de Jésus-Christ, c'est la même chose. Comme par exemple, nous, on vient pas dans l'église parce qu'on a des problèmes ou quelques soucis. On vient à l'église parce qu'on veut avoir une relation avec notre Père, connaître sa façon de vivre. Let it be a father and a son love relationship. Das soll eine Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Viens parce que tu as une relation amoureuse entre ton Père et toi. Praise the Lord. Then in verse 21, it says, from that time forth began Jesus to show 21. Unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders, and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Verse 23. But He turned. That's how we have to turn. Und so müssen wir uns auch drehen. Once we hear the voice of Satan, turn. Wenn wir die Stimme des Teufels hören, müssen wir uns dahin drehen. If not, he's going to give birth. Und antworten und das entwurzeln, weil sonst wird dieser Same des Teufels wachsen. Are you getting something? Verset 23, Jésus aussi se retourna vers, vers le diable et il lui a parlé. Et c'est comme ça qu'on doit aussi être. Quand le diable nous, veut nous dire quelque chose, on doit se retourner vers lui et lui parler sévèrement. Isaiah 57 said, any tongue against you, you condemn it. Jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollen wir Mais Isaïe aussi, il est aussi écrit, toute langue forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc chaque langue de, qui se détourne vers toi, vers Jésus-Christ. You need the Holy Spirit to know the tongue. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, um diese Stimme zu erkennen. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à reconnaître cette langue-là. Because the tongue here look good. Sounds good. Stimme hört sich gut an. Are you getting it? Logic. Parce que la langue... It makes sense. It is logic. Parce que ici, par exemple, la langue qu'on voit ici, ça, c'est logique. Everybody say amen! Und es hört sich logisch an, wenn man sagt, du wirst nicht sterben, alle Leute rufen Amen. Cette langue ici, c'est logique. C'est comme s'il avait raison. Il dit que tu vas pas mourir. Normalement, il devrait dire Amen, je veux pas mourir. Jesus know the voice of his father. You have to know your the voice of Jesus your father. Kannte die Stimme seines Vaters. Jésus-Christ, lui, connaissait la voix de son père. That the first time you go and preach does not mean it's coming from Christ. Dass eine Stimme uns sagt, dass wir predigen sollen, heißt nicht immer, dass es von Christus ist. Que une voix te dit va et prêche, ça signifie pas seulement que c'est la voix de Jésus-Christ. That the first time you go open and start a church does not mean it's coming from Christ. Dass eine Stimme uns sagt, dass wir eine Gemeinde öffnen sollen, es kommt auch nicht immer von Christus. Même s'il y a une voix qui te dit va ouvre une église, ça signifie pas que ça vient de Jésus-Christ. You know, if you poison biscuit, people will die. If you poison shit, nobody will die. Wenn du Kekse vergiftest, I have to say werden viele I'm Leute sorry. Sterben. Aber wenn du Mist vergiftest, wird niemand sterben, weil niemand isst Mist. Donc, si tu empoisonnes, par exemple, un biscuit, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Mais si tu pars et tu empoisonnes ce que tu viens de faire à la toilette, là, personne ne va mourir parce que c'est la toilette. Il y a personne qui va prendre ce que tu as fait là-bas et manger, par exemple. Amen. Because you know, people will go to church. Weil Leute gehen zur Gemeinde. Satan used church to destroy people. You Bible studies to destroy people. Und der Teufel nutzt Gemeinden, Bibelstunden. To steal, kill and destroy. Und Organisationen, um zu töten, stehlen und zu zerstören. Le diable utilise aussi les églises, les gens des églises pour détruire les gens. Because it is a biscuit that is poison. Weil es ein vergifteter Keks ist. C'était un biscuit qui est empoisonné. Das Innere müssen wir prüfen. On doit regarder l'intérieur des choses. Praise the Lord. He knows that once he shit, nobody will go there. He knows that you people run away from the outside. They are looking for something. Weil der Teufel weiß, dass wenn es Mist ist, werden die Leute von selbst wegrennen und erkennen, ah, das hat nichts mit Jesus zu tun, da bin ich weg. Aber das, was so ähnlich aussieht wie Jesus, wo Jesus sogar in den Mund genommen wird, darauf fallen leider viele Leute. Le diable sait que quand il utilise quelque chose qui n'a pas de sens, qui est mal dans ce monde, qu'il y a personne qui va suivre ça. Mais il aime bien utiliser quelque chose qui semble être Jésus-Christ, mais que c'est pas Jésus-Christ. Donc dans le yeux physique, tu penses que c'est quelque chose d'attractif. The greatest way he kills, steals and destroys today is through religion. Denn die größte Art und Weise, wie er tötet, steht und zerstört, ist durch Religion, besonders durch Kirchen. En ce moment, il utilise vraiment des églises pour détruire les enfants de Dieu. Durch Bibelstunden. Il y a des écoles. There's nothing wrong with it. Allow to be Jesus. Es ist nicht schlimm, eine Bibelstunde zu eröffnen, aber lass zu, dass es auf Christus basiert. C'est pas grave d'avoir d'ouvrir une école biblique, mais il faut vraiment laisser que ça soit seulement dirigé par Jésus-Christ. Let the motive, the value be Jesus, and not. You know, I'm not pride. Und nicht stolz. I don't know if you are getting it. Mm. Praise the Lord. Christ, il faut pas être fier de soi-même et faire ça à cause de Jésus-Christ. Jesus hate pride. Jesus hasst den Stolz. You know how he, how much he hates. Jesus Christ detests la fierté. Let's go to the book of James. So that you know how much he detests la fierté, et on va voir ça. The book of James. Praise the Lord. Hallelujah. Pride. James 4. Jacobus 4. Jacques 4. Jacobus. Ist nicht Jacobus. Nein, c'est Jacques. Hein? C'est Jacques. Jacques. Jacobus 4. Vers 6. Jacobus 4, Vers 6. He said, but he giveth more grace. He giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Mm-hmm. The proud, he resist. You know how you resist something. You fight against them. Widerstehen ist, heißt bekämpfen. Il est écrit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et tu sais quand est-ce que tu es orgueilleux et quand c'est quand tu combats, par exemple, l'église, par exemple. You get something there. How you say he resists the proud? Er widersteht den Hochmütigen. Il s'oppose aux orgueilleux. You only have grace through your humility before Christ. Wir haben nur Gnade durch unsere Demut vor Kindern Gottes, vor Jesus Christus. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc, on doit être humble. You know, if you say, okay, forgiveness, what is forgiveness? Was ist Vergebung? What is I leave everything for Jesus? Was bedeutet alles loslassen? Qu'est-ce que ça signifie laisser tout pour Jésus Christ? It means you now use Christ's weapon to fight. I'm not satanic weapon. Dass man die Waffen von Christus nutzt, um zu kämpfen, und nicht die Waffen des Teufels. Ça signifie que on utilise les armes de Jésus Christ et pas les armes du diable. What is Christ's weapon? God kind of love, God kind of joy. You are one with God's children. Are you getting Frucht des Geistes, das ist die Waffe, das ist Gottes Freude, Gottes Frieden, dass man eins ist mit den Kindern Gottes, so wie der Herr es uns befohlen hat. Quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est l'unité des enfants de Dieu, ça c'est un de ses armes. John 15 said, be one with one another, that is his weapon. He said, that is how the world will know that you belong to me. Denn so wird die Welt erkennen, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Dans Jean 15, il est écrit que à travers l'amour que vous avez l'un vers l'autre, là, on va voir que vous êtes vraiment mes enfants. You know, there should be no sword of Jesus Christ here. Es sollte kein Schwert hier sein. Sein Frieden sollte hier sein, in seinem Haus. On ne doit pas avoir l'épée. L'épée du diable ici, c'est l'amour de Dieu qui doit régner dans sa. If you accept the sword, it means you make your body to be a vessel for Satan. Aber wenn wir das Schwert akzeptieren, dann wird unser Körper zur Waffe des Teufels. Si on accepte d'être un épée pour le diable, c'est comme si on a accepté au diable de travailler à travers nous. You know, in Matthew 10, he said, I did not bring peace by sword. You know the meaning of that. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. In Matthieu 8, il a écrit que je suis pas venu pour emmener la paix, je suis venu pour emmener l'épée. It means between two people. If one chooses with the other one is rejecting me, then a sword is there. Dass wenn einer sich für Jesus entscheidet, dann ein Gegner. But if the two are me, they are me, da ein Schwert, weil einer sich für die Wahrheit entscheidet und einer für die Lügen des Teufels. We should never use it in this church. Aber Frieden herrscht, sobald Jesus Christus der Kopf ist. Là, il a expliqué que là où moi je suis, s'il y a deux personnes et moi je suis dans une personne et l'autre personne accepte le diable, il y aura toujours l'épée pour séparer cette personne, ces deux personnes-là. Mais quand deux personnes sont ensemble et réunies en mon nom, là toujours il y a toujours l'union et c'est pour cela qu'on doit faire attention à ce qu'on fait à l'église, qu'on doit avoir une unité dans l'église. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He hates fight. Er hasst Kampf. Il déteste le combat. That was his pleading. How he was begging God's children when he was about to go. Jesus hat die Kinder Gottes angefleht, fast schon, eins zu sein. Because that is what Satan will want to do. Weil er wusste, dass der Teufel diese Einheit angreifen wird, anfechten wird. Jésus Christ déteste les divisions, la division. C'est pour cela qu'il avait supplié aux enfants de Dieu, soyez un en mon nom, soyez un à travers moi. Donc c'est pour cela qu'on doit aussi, détester les divisions. Again, so resist the proud, but give a grace to the humble. You know, grace does not come by prayer. It comes by your humility. Gnade kommt nicht durch Gebet. You get it. You humble yourself before God's children, before Jesus Christ. Yes, you grace. That is how you have grace. Erlangen wir Gnade, denn nur jemand, der it's like peace. Glaubt, dass er Hilfe braucht, wird auch Hilfe empfangen. Ici, il est aussi écrit au verset 6 que seulement quand tu es humble, là tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais quand tu n'es pas humble, tu peux pas avoir la grâce de Dieu. It's like peace. Peace does not come by prayer. You don't pray that let us have pray that we have peace. That's a religious prayer. If to have peace, he said Isaiah 26 verse 3, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. Frieden bekommt man nicht durch Gebet. Frieden bekommt man durch Erkenntnis. Know the truth about Jesus Christ in your life. Wissen, wer Jesus Christus in deinem Leben ist. Indem unsere Gedanken auf Christus gerichtet sind, so manifestiert sich dieser Frieden, der schon in uns ist. C'est la même chose qu'avec la paix. Par exemple, la paix, ça vient pas comme les gens de la religion disent que quand en priant, tu auras ta paix. On prie pas pour la paix. La paix, on a ça seulement à travers Jésus-Christ. Quand tu comprends et tu acceptes la vérité de Jésus-Christ, c'est à travers ça que tu peux avoir la paix dans ton cœur. If you don't have peace, remind yourself of the finished work of Christ. Wenn du keinen Frieden hast, erinnere dich an das fertige Werk. Quand tu n'as pas la paix dans ton cœur et dans ta tête, rappelle-toi à l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Mm-hmm. Et là, tu seras en paix. You know, people need peace. They don't want to pray. Everybody, you know, that is working. And it will never work. Because his system, you cannot change it. Except you just go there, know it and obey it. That's his system. Leute, no one can change it. Wollen Frieden und alle zusammen in der Gemeinde beten und schreien und versuchen alles zu machen, aber das System von Christus sagt, dass dieser Frieden nur durch seine Erkenntnis kommt, durch die Erkenntnis der Wahrheit kommt dieser Frieden. Du kannst dieses System nicht ändern, du kannst dich nur vor diesem System demütigen, es akzeptieren oder es verweigern. Et donc, ils ont aussi dit que dans le système de Dieu, il y a seulement une possibilité d'avoir la paix, c'est à travers Jésus-Christ. Mais le monde, ou bien les religions aujourd'hui, ils commencent à prier, ils sont en train de faire des jeûnes de prière pour avoir leur paix, tandis que ça ne va jamais venir sans Jésus-Christ. It's like salvation also. Genauso wie Rettung. C'est comme le salut. Amen. No, it's not about watching Jesus. They are beating him, they are killing him, they are beating him. Blood is gushing out everywhere. That's not salvation. Salvation is you love the truth. You love him. You are for him and not against him. You love anytime the truth comes, you are able to embrace it. You love it. It becomes your life. It becomes your lifestyle. And you can see. You know, somebody posted a picture of Jesus Christ during Easter. They are killing, they are beating him. I didn't know who was. I said, what is that? And these are the people that reject the truth 100%. If they just tell them about the truth, they run away. I said, anything, Lord. Thou shalt not. Menschen glauben, dass Errettung bedeutet, dass man sich einmal im Jahr einen Jesus-Film anguckt und sieht und Mitleid hat und dann weint dabei. Aber die Errettung bedeutet, Jesus Christus anzunehmen als seinen Herrn und Retter und das auszuleben, indem man sich, weil man ihn als seinen Herrn und Retter akzeptiert hat, sich immer wieder für ihn entscheidet und gegen die Lügen des Teufels. C'est la même chose qu'avec le salut. Les religions pensent qu'au salut, avec le salut, il s'agit de Jésus-Christ, comment il a été frappé, comment il a été, on l'a vraiment fait souffrir ou crucifié. Mais c'est pas vrai. Le salut, tu l'as quand tu comprends le mode de vie de Jésus-Christ, quand tu embrasses la vérité de Jésus-Christ, quand tu es toujours prête à l'obéir et à travailler et à être comme lui. Donc, c'est quand tu as vraiment une relation personnelle avec Jésus-Christ et c'est là que tu aides ton salut à rester en Jésus. Any voice that comes to me, I prove it. Jede Stimme, die zu mir kommt, prüfe ich. Ich prüfe sie. Because that I'm a child of God does not mean Satan cannot speak through me. Weil nur weil ich ein Kind Gottes bin, heißt das nicht, dass der Teufel nicht durch mich spricht. I have to prove it. Ich muss es prüfen. Moi aussi, je dois aussi faire attention de comment je suis envers les enfants de Dieu. Donc, je dois aussi toujours examiner mes mots. que ça doit, que ça vienne de Dieu. Yeah. No, no, no. If you go to, we are still in Matthew 16. Jesus was right there when Satan was speaking. Jesus war da, als der Teufel gesprochen hat. En Matthieu 6, on voit que when Satan spoke through Peter, was there. Als der Teufel durch Petrus gesprochen hat, war Jesus da. Quand le diable a parlé à travers Pierre, Jésus était là. Die Stimme. Prüfe die Stimme. Oh, il faut, faut regarder vraiment la voix, si c'est qui parle. In verse 7, it says, submit yourself therefore to God. Resist the devil. How do you resist the devil? Submit to Christ. Wie widerstehen wir dem Teufel? Remember Christ. Indem wir uns Christus hingeben. Erinnere dich an Christus. On résiste au diable quand on se rappelle de Dieu. If people are against you, remember what that Christ is for you and not against you. Wenn Leute gegen dich sind, erinnere dich daran, dass Christus für dich ist. Les gens sont contre toi. Rappelle-toi que Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Instead of you to be sad, you will rejoice. Are you getting it? Parce qu'avec cette vérité, au lieu d'être triste, tu vas même commencer à être en joie parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. He says, submit to Christ. That is how you resist the devil. Wir sollen uns Christus hingeben, so vertreiben wir den Teufel. On doit résister le diable. Gib dich Christus hin und so verweigerst du den Teufel. Ah, donne ta vie à Jésus-Christ et c'est comme ça que tu vas résister le diable. Those of you that will know, you go to war, you preach. And people, because of the message or because you are a child of God, they just hate you for no reason. You know how do you know? He said, rejoice. How? Remember how they hate him. If they hate him and they hate you, that alone will help you to know that this is Christ. Für die von uns, die auf der Arbeit oder egal wo sie sind, halt auch predigen und deswegen verfolgt werden und gemieden werden oder gehasst werden, erinnert euch daran, dass weil sie unseren Meister verflucht haben, gehasst haben, werden sie auch uns als seine Kinder verfluchen und hassen und deswegen sollen wir uns freuen, wenn wir um seinetwillen leiden, weil das heißt, wir machen was richtig. Pour ceux qui partent au travail et qui prêchent au travail et à cause de la prédication que tu donnes aux gens là-bas, que eux ils ont un problème avec toi, là il faut pas être triste, faut avoir même tu dois être fier de ça parce que là tu peux savoir que ils ont aussi commencé à haïr Jésus-Christ et c'est pour cela c'est normal qu'ils vont aussi haïr ce que toi tu dis à travers Jésus-Christ, donc là ça va t'aider à savoir que tu es dans la bonne route. He said, the devil here will flee from you. Der Teufel wird vor euch fliehen. Et le diable lui va y fuir. How? Wie? Once you submit to Christ, Christus, you can remember Christ. It's over with the devil. Uns an Christus erinnern, es ist vorbei mit dem Teufel. Quand tu donnes ta vie en Jésus Christ, là, le diable lui fuit. In verse 8, he said, draw near to God, and He will draw near to you. Clean your hands, you sinners, and purify your soul, your heart, you double-minded. A mind that is not of the spirit, but of the flesh. It's always flesh and blood. The love of this world, the good of this world, the pity of this world. Are you getting something? Wir sollen nicht zweigesinnt sein, weil wir haben die Entscheidung als Kinder Gottes, ob wir Dinge fleischlich sehen oder Dinge geistlich sehen, so wie Christus sie sieht. Das ist immer eine Wahl für uns. Jacques 4, 8, il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera vers vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. Vous qui avez les cœurs partagés. Donc, il faut faire attention avec le cœur partagé. If you start saying something in the flesh, then you are in problem. Wenn wir anfangen, Dinge fleischlich zu beurteilen, you know that Satan will finish you. Dann wissen wir, dass der Teufel uns schon in seinem Spiel hat. Donc, les enfants de Dieu, si on commence à voir les choses naturelles, là, on doit savoir, et que ça commence à nous préoccuper, là, on doit savoir que c'est le diable qui est en train de travailler à travers ça. Learn to live in the spirit. Wir müssen lernen, im Geist zu leben, und das heißt, Dinge geistlich zu sehen und zu richten. C'est pour cela, on doit commencer à voir les histoires en esprit, et de juger les histoires en esprit, parce que... To see things in the spirit, to judge things in the spirit, you know, and let it be everything. The love of this world, the goodness of this world, the pity of this world, all those things of this world, they are there. You know, if you are there, Satan is using your body as a vessel. wenn wir in diesem, wenn wir Dinge fleischlich sehen, dann handeln wir außerhalb von unserer Natur. Aber unsere Natur ist ja Geist, unsere Natur ist Christus. Und wenn wir Dinge anfangen, fleischlich zu sehen, sind wir im Spielfeld des Teufels. Und da kann er uns angreifen. Vu que nous sommes esprit écorné surnaturel, on doit toujours commencer à voir les histoires en esprit, de juger les histoires aussi en esprit. Parce que lorsque on commence à voir les histoires naturellement et de ce monde et commencer à voir concentré aux histoires du monde, là on se trouve dans le territoire du diable. The love of mother, the love of father. Die Liebe, die weltliche vergängliche Liebe für Mütter, für Brüder, für Schwestern, für Väter, l'amour qui est vanité, für Fleisch und Blut, l'amour à travers nos parents, l'amour à travers nos sœurs et nos frères. Donc là, on doit faire attention, parce que l'amour qu'on doit avoir, c'est l'amour de Jésus-Christ. Aber die Bibel befiehlt uns doch, den Herrn mit all unserem Fleisch, mit all unserem Geist, mit all unserer Seele zu lieben und nicht Menschen. Et la Bible nous dit d'aimer les gens avec toutes nos forces, d'aimer Jésus-Christ avec toutes nos forces, pas aimer les gens avec nos forces. Jesus said in Luke 14, he said you are to hate them. Jesus hat es sogar verschärft und gesagt, wir sollen sie sogar hassen und nicht lieben. Jésus a dit qu'on doit was sollen wir machen? Sie hassen. On doit détester. I don't know if you know them. He said you are to hate them. Die sollen sie sogar hassen. On doit les détester. Because what you love, you will pursue it. Weil das, was du liebst, wirst du suchen. Parce que c'est que toi tu aimes. Là, ça tu vas commencer à poursuivre. He wants you to love him alone. Jesus möchte, dass du ihn allein liebst. Jésus-Christ veut que tu puisses seulement aimer à lui-même. And he is to love your parents and your brothers and sisters, your children. Damit er dann durch dich hindurch andere lieben kann. Il veut que tu, il veut, lui, il veut aimer ta famille à travers toi. He said, honor me. That is how my father will honor you. Mich, so wird mein Vater euch ehren. Jésus-Christ dit, tu dois me honorer moi, comme ça mon Père va aussi vous honorer. It is not honor parents, honor Jesus Christ. And Christ himself will honor your parents. Wir sollen erstmal Christus ehren, weil er ist die Wurzel von allem. Für ihn ist alles und aus ihm ist alles. Deswegen sollen wir immer erstmal zur Wurzel gehen der Dinge. Erstmal Christus lieben und er wird aus dieser Wurzel heraus wird er dann andere lieben können, andere geben können, andere ehren können, aber weil aus uns selbst raus können wir nichts tun. On doit honorer la racine, et la racine c'est Jésus-Christ, parce qu'à travers la racine, à travers la Jésus-Christ, c'est lui qui va commencer à travers ça, il va honorer nos parents. Donc on va, si on aime nos parents, on doit honorer Jésus-Christ, comme ça lui, il va honorer nos parents. You judge this by yourself. Which is better? For you to honor your parents or for Jesus to honor them. Was ist besser? Which is better? Deine Eltern erst oder Jesus Christus durch dich hindurch deine Eltern? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est mieux? Que toi tu puisses honorer Jésus-Christ ou que tes parents ou que Jésus-Christ puisse les honorer? Praise the Lord. Amen. Which is greater? Qu'est-ce qui est mieux? Is that of Christ. Jesus Christus. Amen. Que Jésus-Christ puisse les honorer. Donnez-vous. Matthew 16. Please go back there. Matthew 16. Then verse 22. And Peter took him. Matthew 16. And began to rebuke him, saying, you know the good of this world. Das Gute dieser Welt. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. It will not happen to you. Can you see it? It's not what he called, what man called good, that he called good. Nicht das, was der Mensch gut nennt, nennt Gott gut. C'est pas ce que l'homme appelle bien, que c'est Dieu aussi appelle ça bien. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Though the words, they are beautiful words. Verset 23. Même si Jésus se retourna et lui dit, arrière de toi, Satan, éloigne-toi de moi. Même si c'est que Jean avait dit, c'était quelque chose de bien. He said, thou art offense unto me. Please look at it. Yeah. For thou servest not the things of God, but those that are of men. What make a good? Are you getting it, please? Und hier sagt er ganz klar, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du denkst fleischlich. Ici, en verset 24, il a dit que you're fighting for your mother, fighting for your father, fighting for pas l'esprit. Are you the one to fight for them or Menschen? Jesus? Soll Jesus für sie kämpfen, sollst du für sie kämpfen? Tu combats pour les gens. Est-ce que c'est toi qui dois être qui doit combattre ou bien c'est Dieu ou Jésus et Jésus-Christ qui doivent combattre pour toi? Are you the one? Can you even fight? Kannst du überhaupt kämpfen? You are destroying you yourself, destroying everything. Oder bist du nur einfach eine Schachfigur für den Teufel? Mit deinem Selbst, mit unserem Stolz. We become a vessel for Satan. Wir werden ein Gefäß für den Teufel, sobald wir versuchen, aus eigenem Fleisch Dinge herauszutun. Quand on essaye de faire quelque chose par nous-mêmes, on devient un utile du diable. He said, but those that are of men, things that are of men. Du denkst Menschen. What men call love, what they call joy, what they call peace. Tu penses naturellement. Was Menschen Frieden nennen, was Menschen Gut nennen. C'est que les gens appellent bien, paix, ou amour, c'est pas ce que Dieu appelle bien paix. What men call truth. Was Menschen wahrheit, c'est que l'être humain appelle vérité, c'est pas ce que Dieu appelle vérité. Praise the Lord. Alleluia. Okay. Do you know how many times our body have been a vessel for Satan? Wisst ihr, wie oft unser Körper schon ein Gefäß des Teufels war? Est-ce qu'on sait combien de fois le diable a travaillé à travers nous? You allow your body to be used by Satan to fight God's children. Wir lassen zu, dass unser Körper ein Werkzeug des Teufels ist. To fight Christ. Um Kinder Gottes zu bekämpfen. Quelquefois, um Christus zu bekämpfen. Quelquefois, on accepte que le diable puisse travailler à travers nous pour discuter avec l'Église. Die Gemeinde zu bekämpfen. Instead of allowing your body to be a vessel for Satan. Anstatt unseren Körper demütig hinzugeben für den Herrn. Look at what Paul said. Il faut donner notre First Corinthians 6. Look at what Paul said. Instead of allowing it, he said, you take fault. You just accept that, okay, I'm wrong. Deswegen sollen wir um Christus willen einfach das Unrecht akzeptieren. And not submit to Christ and you are still fighting. Au lieu de laisser que le diable puisse travailler vers toi, à travers toi, il faut accepter que Jésus-Christ, que ton corps puisse être pour Jésus-Christ. Donc, laisse ton corps vers Jésus-Christ et dis, je vois Jésus-Christ et pour cela, je ne veux pas avoir raison. Je veux juste que Dieu puisse travailler à travers moi. 1 Corinthiens 6. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this very place, please, if you also have time, you can read it. It's very interesting, this very place. This shell is auch sehr wichtig. He said, yeah, any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saint. Are you getting something here? Mm-hmm. Fighting one another. You go, one believer can even see it. It's some believer that is going to even settle you now. Ja, die war advising you what to do. Dass wir einander bekämpfen und sogar jetzt Ungläubige brauchen, um Streit zu schlichten. Dass wir sogar uns bei Ungläubigen Rat holen müssen, wie wir diesen Streit schlichten. Quelque chose qui est vraiment honteux, qui est dans les églises, quelquefois on est en train on se combat l'un vers l'autre, qu'on a même besoin des païens qui doivent être au milieu pour nous aider dans nos problèmes. You are having problem with a sister. You are having problem with a brother. Who do you go to? Geschwister, zu wem go gehen to wir? People. Wir gehen zu Menschen. Quand on a des problèmes avec von einer Ecke zur anderen. On part chez les païens. People that you know that they are not even saved. Leute, die nicht errettet sind. Des gens qui n'ont même pas le salut. They are now your advisor. Das sind jetzt deine Ratgeber. Ils sont devenus What do you expect? They'll give you what they have. Sie werden dir das geben, was sie haben. Et tu attends quoi alors? Are you getting it? Do you know that saints are judge the world? Verse 2. Ah, oh, Daddy, thank you. And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? I don't know if somebody's getting something. Wisst ihr nicht, dass die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig über die allerdingsten Dinge, aller geringsten Dinge zu entscheiden? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde. Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur les questions bien moins importantes? You are occupied with bitterness, hatred, unforgiveness. Von Bitterkeit. And you don't even see anything wrong in it. Unvergebenheit, und wir erkennen das Böse daran. Quelquefois, on est occupé par, par le, on veut pas pardonner les gens, on veut avoir un cœur endurci et nous-mêmes là, nous sommes aussi les mêmes personnes qui veulent juger le. You are occupied with all the weapons of Satan. Wir sind umgeben von den Waffen des Teufels. And you don't see anything wrong in it. Und wir sehen nichts Falsches daran. On est occupé avec les armes du diable. Et on voit même rien du mal. Sometimes I imagine how people fall. The depth of the fall. Or the, how do I put it? I mean, how deep it is that they have fallen. Manchmal bin ich so verwundert, wie tief wir fallen können. Quelquefois, je suis même, je m'étonne comment on peut tomber si bas. Verse 3. Know you know that we shall judge angels. Ne savez-vous pas même que nous jugerons même les anges? Go to judge angels with your flesh. Aber wie sollen wir Engel richten mit unserem Fleisch? Das wird nicht funktionieren. Mais comment tu veux juger les anges avec la chair? C'est pas possible. He said, how much more things that pertain to this life? If you cannot even see anything, you know, you cannot choose the spirit and reject the flesh here. How can you judge with the spirit at the end? Wenn wir hier auf Erden uns zwar das Fleisch verweigern können und über den Geist richten können, wie wollen wir das im Himmel tun? Si on peut même pas être après, dans la vie présente, on peut pas juger les voir les anges. Comment on veut juger les anges plus tard? Deshalb werden wir da sein können, wenn wir so weitermachen. Wir müssen Buße tun. Therefore, if then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Verse 5. I speak to your shame. It's a shame. People are not even ashamed. Leute schämen sich nicht. I can never go to people I know that they are not saved and be telling them about God's children. Ich könnte mich niemals, I can never do that. Bei Ungläubigen, bei Kindern Gottes beschweren, weil es würde, ich würde mich schämen. What is that? Il faut avoir honte de partir dans les chiens et expliquer les problèmes que tu as avec les enfants de Dieu. Ça, il faut avoir honte. The same thing Paul is saying here. Und das ist das, was Paulus hier sagt. He said, I speak to your shame. Zur Beschämung sage ich es euch. That you cannot speak, choose the spirit and reject the flesh at your age. At how many years you have been in Christ's world? Dass diese Leute so lange schon in Christus waren, aber dennoch immer noch über die gleichen Äste fallen. Verset 5, il dit aussi, je le dis à votre honte. C'est immer der Stolz, der uns im Weg steht. Parce qu'on voit toujours notre fierté. The same thing that destroyed Satan. Und es ist das Gleiche, was auch den Teufel zerstört hat, was ihm zum Verhängnis wurde und was ihm aus dem Himmel verbannt hat. Et c'est cette fierté qui a aussi fait de genre que Lucifer puisse tomber du ciel. Praise the Lord. Hallelujah. He says, pride comes before the fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Before Christ, before Satan destroys you, he will inject pride into you. Before the devil destroys you, wird dich erstmal erhöhen, damit dein Sturz umso gewaltiger wird. Avant que le diable puisse te faire tomber, il va te donner d'abord l'orgueil, que tu puisses commencer à voir toi-même. You know how you see yourself. Wie sehen wir uns selbst? Quand est-ce que tu es orgueilleux? If you are seeing your parents, you are seeing yourself. Wenn wir unsere Eltern sehen, sind wir als Frauen. Si tu commences à voir la chair, tu vois toi-même. If you are seeing your brothers and sisters, look at what you are doing to those brothers. If you are seeing your brothers and sisters, you are seeing yourself. It is seeing Christ. Wenn wir unsere Geschwister sehen, wenn wir Menschen sehen. Si tu vois l'homme naturel, tu und danach richten, sehen wir das Fleisch. Et tu juges les histoires naturellement, là tu vois la chair et là tu es dans l'orgueil. You know, if you are doing something to Tania, for example. Wenn du zum Beispiel Tania etwas antust. Si tu vois quelque chose à Tania. I will not even say, what are you doing to Tania? Ich werde nicht mal sagen, was tust du Tania an? Je veux pas dire, qu'est-ce que tu fais avec Tania. I will say, what are you doing to Jesus? Ich werde fragen, was tust du Christus je veux dire, an? Qu'est-ce que I don't tu know fais if you get it. Contre Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. But if it is for you, it's all about Tania, Tania, Tania, Tania. My mother, my father, my father. You know. Aber wenn es dir immer um Menschen geht, um Tania, it's never Christ. You can judge me that you are gone, you are almost dead. Sind wir raus, sind wir tot, weil wir Dinge nicht mehr so sehen, wie Christus sie sieht. S'il s'agit seulement de la chair de Tania ou bien de tes parents, tu auras un problème. He said, I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. You never allow anybody to come and tell you about Jesus Christ. Let us look at Christ. Wir lassen nicht it's nur, always somebody. Jemand auf Christus verweist. We're always looking at somebody that's joining somebody. Wir verweisen immer auf Menschen. Wir fangen an, parteiisch zu richten, anstatt unparteiisch zu urteilen. Verset 5. Je dis à votre honte, n'y a-t-il pas vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre, être ses frères? Praise the Lord. And that's why you know husband and wife. Deswegen Ehemann, Ehefrau. Comme un homme et sa femme. If both are in the flesh. Wenn beide im Fleisch sind, ist das der Anfang vom Ende. Si eux deux ils sont dans la chair, c'est if one is evil in the spirit, the other one can help the other. But if both are in the flesh. Wenn einer im Geist ist, kann der eine den anderen wieder aufhelfen. Wenn beide im Fleisch sind. Ist das der Anfang vom Ende? Par exemple, des couples, s'il y a une personne qui est en esprit et l'autre dans la chair, c'est pas vraiment très un grand problème parce que l'autre peut aider l'autre. Mais si tous les deux sont dans la chair, il y aura un grand problème. If you now call things of the spirit the flesh, then you are in problem. Wenn wir anfangen, Dinge, die geistlich sind, fleischlich zu sehen, haben wir ein Problem. Si tu commences à voir les histoires qui sont de l'esprit, quand tu commences à le transformer en chair, là, tu auras aussi un grand problème. Because you want people to join you. Wenn wir anfangen, auf Fingern zu zeigen, mit den Finger auf andere zu zeigen, auf das Fleisch zu zeigen, dann haben wir ein Problem. Quand tu commences à pointer tes doigts sur quelqu'un d'autre, tu dois commencer à reconnaître que tu es dans un problème, tu es dans l'orgueil. He said, but brother go to law with a brother, and that before the unbelievers. Verset 6. My God. Faut-il qu'on se... How can you go preach today? Come and join me so that you'll be like me. We'll be fighting everybody like wie me. Können wir dann predigen? Weil wir sagen ja dann, komm zu Jesus Christus, damit du genauso bist wie ich. Aber ich tue ja auch nicht das, was Christus tut. Comment tu veux prêcher et dire aux gens de faire ce que Jésus-Christ veut qu'ils puissent faire si toi-même tu fais même pas ce que Dieu veut que tu puisses faire? Come and join my Jesus. Come to me. Come and see my Jesus. So that you can start fighting everybody like me. Is that your message? Wir sagen Leuten, dass wir sie zu Jesus kommen sollen. Aber dabei erkennen wir selber nicht, dass wir nicht selber gerade Jesus Christus ausleben. Donc tu veux que les gens puissent partir chez Dieu, vers Jésus-Christ tant que toi-même tu n'agis pas en Jésus-Christ. It's like when we were in Norris, myself and my message, that was years ago. We went there for her hair. And a lady, she said... After discussion, I can see that she was so blind that it was everything flesh. And she said she have people that come to her for, it's like Bible studies. So I said, please, close this Bible study. Close it, please. I was begging her. Please. I said, because what you have is debt. And what you are giving them is debt. You are not hurting them. Leave them the way they are. Don't write things on their board, on their heart. Don't occupy their heart with evil. So when they now embrace, when the truth now comes, they are running away from it. You are not going in. You don't allow others to go in. I said, please, you better stop it. Es gab mal eine Zeit, wo wir in Neuss eine Frau oft besucht haben, die halt Friseurin war. Und wir haben auch oft mit ihr über Jesus Christus gesprochen. Und sie war sehr religiös. Sie und ihr Ehemann waren sehr religiös unterwegs und haben die Wahrheit wollten sie nie akzeptieren, haben das nie angenommen. Und sie hat halt immer gesagt, dass die eine Bibelstunde haben und dass die mit Ehepaaren reden und mit Jugendlichen reden und dies, das. Und ich habe dann auch immer gesagt, hört auf damit, weil ihr verbreitet diese Irrlehre an andere Leute. Und es wird für die anderen Leute wiederum ein Kampf sein, diese Irrlehre aus ihren Gedanken, aus ihrem Herzen wiederum zu streichen, wenn sie irgendwann die Wahrheit empfangen. Elle a expliqué qu'un jour, elle était à Nice avec sa fille. Ils sont partis chez une dame qui tressait. Et la dame en question n'avait pas la vérité. Elle était très religieuse et tout ce qu'elle disait, que c'était un peu faux. Et cette dame-là disait qu'elle a fait même, elle a ouvert une école de la Bible, une école biblique. Et maman pasteur a même commencé à la supplier de fermer cette église parce qu'elle dit que toi-même, tu n'as pas la vérité. Tout ce que tu dis est faux. Et ça signifie qu'autre personne qui vient vers toi, tu leur donnes même quelque chose qui est faux. Donc, ça deviendra encore plus grave et plus difficile pour eux à embrasser la vérité une fois que quelqu'un va commencer à dire la vérité. Donc, mieux vaut les laisser comme ils sont au lieu de commencer à donner quelque chose qui est mal dans leur cœur. Praise the Lord. Amen. Then in verse 7, c'est now therefore. Verset 7. There is utterly a fault among you, because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Instead of allowing your body to be a vessel for Satan to use. Anstatt zuzulassen, dass der Teufel. Are you getting something? Wieso lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun, anstatt dem Teufel unseren Körper herzugeben als Gefäß? Au lieu d'accepter que le diable travaille à travers nous, on doit laisser que notre vie soit réellement guidée par Dieu. Amen. Amen. Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Put something here, go to Galatians 6. Galatians 6. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Look at what he said when you are even correcting people. On va lire Galates 6. Verse 1. Verse 1. He said, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, ye that are of Christ, he said, restore such an one in the spirit of meekness. That is the spirit of Christ. And not with go to that person with the Christ weapon and not satanic weapon. Du gehst mit dieser Person fighting, mit der Waffe von Christus und nicht mit der Waffe des Teufels, Hass und Bitterkeit. Ici, la Bible, à Galates 6:1, il dit que si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui viviez selon l'esprit, ramenez-le dans l'esprit droit chemin avec l'esprit de douceur. Donc c'est l'esprit de douceur, c'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est en douceur, c'est à travers Jésus et pas dans la manière de ce monde. Use Christ to settle people. Nutze Christus. Let it be Christ alone, the Spirit. Utilise and not in of the flesh at all. Utilise Jésus-Christ à faire unir deux personnes qui ont par exemple des problèmes. It's not because it's my brother, it's my sister, it's because it's a child of Jesus. Nicht weil es mein leiblicher Bruder, leiblicher Vater, Gottes ist, sondern wegen weil dieser Mensch ein Kind Gottes ist. Quand tu veux unir quelqu'un, tu ne dis pas je veux vous unir parce que vous êtes frères et sœurs ou bien parce que vous êtes les enfants et les parents, mais il faut les unir les personnes parce qu'ils se sentent des enfants de Dieu. It's not what somebody, you know, my sister is doing to my mother. He's doing to my mother. He's doing to my mother. Is this about mother or about Jesus Christ? Aber nicht, dass wir anfangen, that alone will help you to know that you are completely out of it. Dass wir anfangen, für Menschen zu kämpfen und für Menschen einzutreten, indem wir uns fokussieren auf das, was meine Schwester meiner Mutter anschaut, antut. Wo ist da Christus? On ne doit pas laisser qu'on puisse combattre nos sœurs et frères parce qu'ils font quelque chose de mal aux parents. Donc, il ne s'agit pas de parents, il ne s'agit pas de ta mère, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, il faut commencer à voir Jésus-Christ dans l'histoire au lieu de voir les personnes les deux parties dans le problème. That's why pastors' children, they are so spoiled. They destroy more than even other people. Sie sind Kinder von Pastoren oft immer, sie werden immer zerstört vom Teufel. C'est pour cela, par exemple, le diable détruit les enfants de pasteurs. Because the pastor always says it's all about him. Don't wear my name. Weil der Pastor immer sagt, don't disgrace me. You know, I'm a pastor. Ich bin ein Pastor. Parce que bring keine Schande zu meiner Familie oder zu unserem Namen, denn ich bin ein Pastor. Du musst aufpassen, was du machst. Les pasteurs, par exemple, eux disent à leurs enfants, faut faire attention, faut pas salir mon nom, parce que moi, je suis un pasteur. Et c'est à travers ce qu'ils disent là. Le diable utilise ça encore pour détruire les enfants. It is about Jesus Christ. Then the Holy Spirit can help the children. Aber du can be there. If not, das um Jesus the prayer of Father, the fear of Pastor can never help anybody. Aber du musst erkennen, dass es um Jesus Christus geht. If you are there, they do good. If they are outside, they live like the devil. Du musst erkennen, dass es um Jesus Christus geht und deinen Kindern das auch so weitergeben, dass sie nicht die Furcht vor dir haben als Mensch, sondern die Furcht haben vor Gott, weil wenn sie diese Furcht haben vor Menschen, werden sie funktionieren, sobald du da bist und ihr eigenes Ding machen, sobald du weg bist. La faute de ces pasteurs là, par exemple, est qu'ils commencent à dire à leurs enfants, il ne faut pas salir mon nom, mais ils doivent dire à leurs enfants, il ne faut pas salir le nom de Jésus-Christ, parce que le nom du pasteur ne va jamais sauver son enfant. C'est le nom de Jésus-Christ. Ils doivent avoir la crainte de Dieu et pas la crainte des parents. Parce que sinon, devant leurs parents, ils sont en train de bien se comporter et quand les parents ne sont pas là, mal. If I want to know your problem, I just ask you one or two questions. I've already know it. Und, just one or two questions. Once you just speak, I just know where the problem is coming from. Die Wurzel der Probleme, indem wir Fragen stellen. Diese Fragen werden entblößen, was in unserem Herzen ist und werden uns erkennen lassen, was das Problem dieser Person ist. On comprend la racine de ton problème à travers quelques questions, parce que la réponse à quelques questions, là, ça nous indique, ça nous fait voir vraiment directement où est ta racine, où est ton problème, qui tu es. You know, Elijah was having one problem. Elijah hatte ein Problem. I thank God that he's able to make heaven, but he was having one problem. Ich danke Gott, dass er es geschafft hat, in den Himmel zu gehen, aber er hatte ein Problem. Elie avait un problème. Même s'il a réussi de partir au ciel. He could not finish what God wanted him to do. Er konnte nicht vollbringen, zu Ende bringen wegen diesem Problem. I am comparing himself to his forefather. Weil er sich selbst immer wieder mit seinen Vorfahren verglichen hat. Eli n'a pas pu finir son travail parce qu'il avait un problème. Il a commencé à se comparer à ses ancêtres. Amen. Amen. You know, after he killed the 400 Baals. Nachdem er die 400 Propheten von Baal getötet hat. Quand il a tué les prophètes de Baal. And Jezebel now came with a letter. Send a letter to him that he's going to kill him. Hat Jezebel ihm einen Brief geschickt, dass sie ihn töten wird. Jezebel lui avait envoyé une lettre et lui a dit que je vais manger. And because of just a letter, he ran for his dear life. Und wegen diesem einen Brief, wegen dieser einen Nachricht, ist er um sein Leben geflohen. Juste à cause de cette lettre, lui, il a fui. And as he was running, und als er auf der Flucht war, et quand il fuyait, he was crying and said, God, I now know that I'm not better than my forefather. Fing an zu weinen und zu sagen, Gott, ich weiß jetzt, dass ich nicht besser bin als meine Vorfahren. Donc Hakimi, il a commencé à pleurer et il a dit, Dieu, maintenant je sais que je suis pas mieux que mes And he said also, I am the only prophet that is remaining. Und hat auch gesagt, I am the only prophet. You are not the only prophet. Er hat behauptet, dass er der einzige Prophet ist, der noch lebt. Il a dit que il est le dernier prophète qui est resté. In the Bible says that 700 prophets they were also waiting for the Lord. They were kept. Aber in that the books there. Aber es hat nicht gestimmt. Sondern es gab noch 700 Propheten Gottes, die noch prophets of the true God. Vom wahrhaftigen Gott. Not only he. Eli pensait que lui était le dernier. Lui, il pensait, il avait l'orgueil. Il pensait qu'il était le seul prophète qui était resté. Mais la Bible dit qu'il y avait encore 700 autres prophètes qui étaient à son époque. Und dieser Stolz ist halt einfach. Praise the Lord. Und selbst ist einfach ein Zerstörer. No one can divide this ministry. Aber niemand kann diese Gemeinde zertrennen. Es wird für immer Christus. No one. Nobody can divide this Midland. Nobody can stop it. Personne peut diviser cette. It is Christ's property. Es ist der Besitz von Jesus Christus. Told me by himself. Personne peut diviser cette église. Talk about his dream. Amen. Personne peut diviser cette église parce que Dieu même lui a fait voir aussi aujourd'hui que cette église ça appartient à lui-même. Okay, donc ce qui lui appartient, personne ne peut le diviser, même à travers l'orgueil. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sometimes God reveals things to us so that we know how we are being protected by Him. Manchmal offenbart uns Gott Dinge, damit wir erkennen, wie sehr wir in seinem Schutz stehen. Quelquefois Dieu nous révèle des histoires pour reconnaître comment il nous protège. You know, God revealed something to him. Gott hat ihm etwas offenbart. Dieu lui a révélé. And He helped me. The Lord helped me to understand. Und der Herr hat mir geholfen, das zu verstehen. Dieu a révélé quelque chose à Papa Pasteur et Dieu a aidé Maman Pasteur à comprendre la signification. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Oh. Then look at it. Let me finish here. It says, considering yourself, lest thou also be tempted. If you are correcting somebody, you have to be very careful, so that you yourself will not fall into that same pit. Wenn wir Leute, that you say that you are complaining that people are, or somebody is. Wenn wir Menschen verbessern, müssen wir aufpassen, dass wir nicht selbst in die Sünde fallen. On doit faire attention que quand on aide ou bien on corrige quelqu'un, on doit faire attention de ne pas tomber nous-mêmes dans le même problème que la personne. Hein? Praise the Lord. Hallelujah. Here talks about our body so much. That is 1 Corinthians 6. In 1 Corinthians 6 geht es um unseren Körper. If you look at it from verse 9, it says, know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. Nor abusers of themselves, with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revellers, nor extortioners shall inherit the kingdom of heaven. 6:1-9. Talking about both spiritual and physical. Amen. Verse 9 and 10. We just read. Amen. On a lu 9 et 10. And such were some of you, but you are washed. But you are sanctified. But you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. All things are lawful. You have the right to disobey God. Sie haben das Recht, Gott but zu sagen. Right, on a le droit. Aber ist das richtig? On a le droit de désobéir Dieu. Mais est-ce que c'est juste? You have the right to choose the spirit, the flesh and blood. On a le droit de but the law says you choose the spirit. Wir haben das Recht, das Fleisch zu wählen. From verse 12. Aber der Herr sagt, wir sollen uns für den Geist entscheiden. On a le droit de choisir la chair, mais Dieu a dit qu'on doit choisir l'esprit. He said, all things are lawful unto me. But all things are not expended. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meat for the belly and the belly for the meat. But God shall destroy both it and them. Now your body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for your body. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Both spiritual and physical fornication. There's the spiritual part and there is the physical part. Und es geht hier um die geistliche Unzucht, aber auch die physische Unzucht. Ici il s'agit de la fornication spirituelle et physique. Let me leave there for now. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, the time has really gone. Amen. Amen. Just as we said on Wednesday, that you are born again does not mean he cannot, the devil cannot use your body. So wie wir das am Mittwoch gesagt haben, nur weil du wiedergeboren bist, heißt es nicht, dass der Teufel deinen Körper nicht nutzen kann. Juste parce que tu es né de nouveau, ça signifie pas que le diable ne peut pas That you go to church does not mean he cannot go through you. Juste parce que tu pars à l'église, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas travailler à travers toi. That you are born, I'm born again, and be filled with the Holy Spirit does not mean he cannot even use your body. Dass du wiedergeboren bist und gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, heißt, dass du deinen Körper nicht nutzen kann. Même si parce que tu es loin du Saint-Esprit, ça ne signifie pas que le diable ne peut pas travailler à travers toi. He wants you to hate fighting one another. We'll quickly go through fighting. Then we close. Amen. Dieu veut pas qu'on puisse se combattre l'un à l'autre. On va. You don't know how strife is so dangerous. In your life. Wir wissen nicht, wie gefährlich Streit ist in unserem Leben. Wenn wir das wissen würden wir einen riesigen Bogen darum machen. Si on savait comment les combats dangereux pour notre vie, on va même pas se combattre l'un à l'autre. You know, the Bible compares strife to snake. Die Bibel vergleicht Streit mit einer Schlange. Les discussions, les disputes l'un vers l'autre, la Bible dit c'est comme le serpent. How many of you are afraid of snakes? Wie viele von euch haben Angst vor Schlangen? Leah is not afraid of snakes. How many of you? I know. You know, if you know snake, because it's deadly. I mean deadly snake. Ich meine nicht. That can just even swallow. There are some snakes that can swallow you. Elle parle du serpent qui peut même nous avaler. If you are going to choose between snake and strife, it's better you choose snake to come into your house than you allow strife to come into your house. Besser, dass du dich für eine Schlange entscheidest in deinem Haus, als für Streit in deinem Haus. Das ist, was die Bibel sagt. Elle dit que selon la Bible, c'est même mieux de laisser le serpent dans ta maison que laisser des disputes ou bien des combats l'un vers l'autre venir dans ta maison, dans ton foyer. It's not compromise. You don't compromise so that there will be no fight. Aber, you don't join evil so that evil. It's a different place. Das heißt nicht, dass wir, weil wir Streit verweigern und Kompromisse mit dem Teufel eingehen, damit in unserem Haus Frieden, falscher Frieden herrscht. Davon rede ich nicht. Vu que Jésus-Christ, Dieu n'aime pas les disputes et les combats entre les enfants de Dieu, ça signifie pas qu'on doit avoir des compromis l'un vers l'autre un compromis dans le mal pour avoir la paix. Ça veut dire pas ça. Instead of joining evil, when you know the sword of Christ is even still there. Das Schwert von Christus. I don't know if you are getting something. You know, if you, two of you, if for example you have misunderstanding, and you know this one is choosing the flesh, the other one is choosing the spirit, and instead of you say, okay, I don't want strife, then you join the flesh. Satan is victorious. But if you stand and say, I choose the spirit, if you choose the flesh, I will not allow it. Then there is the sword, what Jesus calls sword. And that sword is a sword of victory and not of death. Okay. Because he is going to, that God is choosing Christ for you. He's going to bring you out. I don't know if you understand it. Zwischen zwei Parteien Streit herrscht, kann sich eine Partei entscheiden, im Fleisch zu sein, und die andere Partei entscheidet sich, in Christus zu sein. Und wenn zum Beispiel die Partei, die in Christus ist, sich Frieden aus Kompromissbereitschaft schaffen will, sagt sie, okay, weil ich keinen Streit will, werde ich nicht mehr im Geist sein, sondern einfach mit dir im Fleisch sein, um den Streit zu mindern oder zu verhindern. Aber das ist nicht Christus, da freut sich der Teufel, weil er dann zwei Leute in seiner Gefangenschaft hält. Aber wenn eine Partei im Geist ist und die andere im Fleisch ist, soll sich die eine Partei, die im Geist ist, weiterhin entscheiden, im Geist zu bleiben, weil sie somit der anderen Person auch helfen wird, in den Geist zu kommen. Too wrong can never make it right. Aber weil da ja jetzt eine Seite ist, die für Christus ist, eine Seite, die im Fleisch ist, wird es eine Art Kampf geben. Ein Schwert ist dann da in dieser Mitte, aber dieses Schwert ist nicht da, um zu zerstören, sondern um zu erlösen. Elle dit par exemple, si par exemple moi entre moi et Jennifer, par exemple on a une dispute et moi je suis dans la chair et elle est dans l'esprit. Si elle me suit dans la chair, là le diable a eu la victoire. Mais si elle dit que je reste en esprit et je ne veux pas laisser et moi aussi je reste dans la chair, là entre nous il y aura l'épée de la justice de Dieu qui est au milieu de nous. Et cette épée de la justice de Dieu, c'est pas venu pour détruire. Donc ça signifie que si elle reste à côté de Dieu et elle dit que moi je choisis Dieu, l'épée de la justice de Dieu va même m'emmener moi qui est dans la chair à travers l'esprit. Et c'est comme ça que l'aura aussi la victoire en Jésus-Christ. We read from verse 1 to 5. Amen. On va lire Philippe 2. It said, if there be therefore any consolation in Christ. Philippians 2:1-5. If any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any boas and mercies, fulfill ye my joy, that you may be like-minded, having the same love, being on one accord with one mind. This did not pass away. It's the same Christ that is today. He never changed. Das ist der gleiche Christus, er ändert sich nicht. Ça, en verset 1 à 2, on dit que c'est le même Jésus-Christ qui était là, c'est le même Jésus-Christ qui est toujours ici aujourd'hui. I know there are churches that you don't do things together. Ich weiß, es gibt Gemeinden, wo jeder nach der Gemeinde seinen eigenen Weg geht. Ja, diese Eglise, they don't even care about one another. Und das ist egal, ob was in deinem Leben abgibt, geht, es interessiert niemanden. Après l'église, ils se séparent. But here it's not so. Ce qui concerne l'autre, ça les intéresse pas. Mais ici, c'est pas comme ça. Aber diese Gemeinde ist nicht so. Ici, c'est pas comme ça. If something is happening to you, it's happening to all of us. Wenn die eine Person am Leiden ist, dann alle. Weil es der gleiche Christus ist. Ici, quand quelqu'un, une personne a un problème, nous tous avons ce même problème, parce que nous sommes un en Jésus Christ. We don't see your problem. We see your problem, our problem. Wir sehen deine Probleme nicht als deine Probleme, sondern als unsere Probleme. Ton problème, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est aussi notre problème. Yeah, you know, if somebody's finding something, you know, that of religion, it's better he just live here. Wenn einem das aber nicht passt, wenn er diese Gemeinschaft nicht haben kann, dann that is not what Christ wants. Diese Gemeinde ist keine religiöse Gemeinde, wo jeder seinen Weg geht. Si quelqu'un ne veut pas ça, il ne comprend pas ça, il préfère quelque chose religieux, c'est pas tu ne dois pas être ici par force, tu peux. If you are new and we know that you are new and you are just you have not understand the truth, we understand. Wenn du neu bist und die Wahrheit nicht verstanden hast, dann ist es etwas anderes. Si tu es une nouvelle personne ici et tu n'as pas compris la vérité, ça c'est quelque chose d'autre. And not when you are after all that now we should not allow Satan to use our body as a vessel. Aber nicht nachdem wir jahrelang in der Gemeinde sind, und wissen, was diese Gemeinde, wie diese Gemeinde ist in Christus und uns dennoch gegen das Königreich und die Systeme von Christus entscheiden. Ich sehe, qu'on comprend pas et que quand toi par exemple tu as déjà été au milieu de cette église il y a des années et puis après tu ne veux plus être part de l'église, ça c'est quelque chose d'autre. In verse 3, it says, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ. Praise the Lord. De droit dit, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant ou au contraire par humilité considérez les autres comme plus importants que vous-même. Wow. You know, Jesus humbled himself so much. Jesus hat sich so krass gedemütigt. He humbled himself. Bis in den Tod hinein gedemütigt. That's what confused Satan. Und das verwirrt den Teufel. Ich kann nicht nachvollziehen. Can a poor God come here and live here? Wie kann Gott sich so demütigen, so klein machen? Le diable se dit, tout un Dieu qui vient ici pour se simulier à cet point. You know, if I say sorry to you for sometime, I just say sorry to you when I'm. You know, we confuse Satan. Pastors never say sorry. Wenn wir uns entschuldigen, you say sorry to them, not them. Verwirrt das den Teufel, weil der Mensch oder auch im System dieser Welt Leute mit einer Position, Pastoren oder Präsidenten oder sowas, die für diese Entschuldigungen nicht üblich. Comme par exemple, je vous présente mes pardons, par exemple. Là, le diable, il est vraiment confus parce que dans ce monde, un pasteur, par exemple, ne fait pas de fautes, ne peut pas se pardonner. Pastor, can you draw you out and just slap you? Dans ce monde, in der Welt ist das so, dass Pastoren sich alles erlauben und Leute schlagen oder verfluchen oder so anderes tun, weil sie diese Macht, diese Position, die sie von Gott bekommen haben, missbrauchen. Und das ist nicht Christus. Dans ce monde, les pasteurs sont même autorisés à te donner une gifle parce que c'est une position que le monde a donnée au ce pasteur ici, mais ça c'est pas Jésus-Christ. Let's read from verse 5. It says, let this man be in you, verset 5, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. It is not robbery that you are Christ. Es ist keine Lüge, dass ihr Christus seid. C'est pas une, verset 5, c'est pas un mensonge que nous sommes. And you are not to see it as robbery. Und es ist auch, wir sollten es nicht as als Lüge sehen, dass wir Christus sind. C'est pas un mensonge que nous sommes Jésus-Christ. He said, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Please, let's go to James. On va repartir à Jacques. The book of James. James 3:16. Jacobus 3:16. Jacques 3:16. 16. Jacques 3:16. It says, for where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung jede böse Tat. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indigènes. You know the meaning of that very place, every evil work. It means there is cancer, there is death, there is weeping, there is, you know, just name every, whatever. It means you open the door for and I say, Satan, you can come in and just destroy everything. Das heißt, damit öffnet er die Türen, damit er Krankheiten, Zerstörung, all diese Sachen mit reinbringt. Donc ce qu'on a lu, là, ça nous fait voir qu'on ouvre la porte au diable de nous emmener des maladies et tout ce qu'on a. Are you getting it? Every evil work. Every. Evil, whatever you are connected to Satan is there. Evil work of, you know, just name any sicknesses and diseases on earth today. You open the door for them to come in. Diesen Krankheiten die Tür um reinzukommen. Nous-mêmes, on ouvre cette porte pour les maladies. You know, the latest is Corona. Amen. Die neueste momentan ist Corona. You open the door for it to come in. A young man killed himself years ago. Ein junger Mann hat sich vor Jahren das Leben genommen. Un jeune garçon s'est tué lui-même. Why? Wieso? Out of fighting. After fighting at home, the mother was having problem with him, and the mother insulted him, and that this fight was big, and this man was so angry he left, and getting home, his gun wanted to take it out He took his gun because his gun, where he kept it, he wanted to keep it in a better place. He accidentally used it to shoot himself and kill himself. By accident. I don't know. You know, out of anger, out of the home, you know, the grudges, the everything the mother told him, they were all ringing bell. And getting home, you know, and you know, when this man died, this boy died, and the pastors, I will quickly say so that you tell them also. The pastors now was surprised and said, this child was not sick. What? This woman is a child of God, the mother of this boy. The families, like, they go to church. The pastor started going into it and said, what happened? How will this boy just die like that? Did anything happen? Then this woman has said, that very day the boy died, in the morning of it, there were a big fight in the house. And that boy left with anger. The next hours, they heard that he was dead. Please. Okay. Vor ein paar Jahren ist es mal passiert, dass ein junger Mann hatte mit seiner Mutter einen großen Streit und die Mutter hat ihm sehr viele Sachen an den Kopf geschmissen, hat ihn übelst verflucht und beleidigt und all das gemacht. Und der Junge ist dann wütend rausgegangen, war so wütend und so sauer, ist er dann nach Hause gefahren. Und als er zu Hause war, wollte er seine Waffe, die er zu Hause hat, irgendwo anders hin platzieren, ne? He wanted to just put his gun somewhere else. Oder? Yeah, no? I wanted to keep genau, it somewhere. Er wollte sie einfach nur irgendwo anders platzieren. Because if it was suicide, he could have maybe written something down. Mm. But according to the everything, they said it was accidentally. Yeah. So. Und er wollte diese Waffe einfach nur irgendwo anders hin platzieren, aber weil er halt einfach in dieser Rage war und in dieser Verwirrung war, hat er sich sozusagen aus Versehen dann halt erschossen mit dieser Waffe und ist dann halt gestorben. Und der Pastor hat sich halt von, also weil diese Leute waren halt auch Leute zur Gemeinde gegangen sind, zu einer Gemeinde gegangen sind, wo sie gelebt haben. Und der Pastor hat sie auch verwiesen, wie ist das passiert, was ist da los? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich einfach so das Leben genommen hat oder dass der einfach so diesen Unfall hatte mit dieser Waffe. Da muss doch irgendwas passiert sein. Und die Mutter hat dann zu ihm, ja, er hatte morgens hatten wir einen riesigen, krassen Streit. Und wahrscheinlich ist er deswegen... ist das dann alles so eskaliert, dass er nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und dann dieser Unfall passiert ist. Elles ont expliqué qu'il y avait une famille, une mère et son fils, ils se sont disputés un jour et ils se sont disputés un matin et le fils, il était si confus qu'il est rentré chez lui et quand il était chez lui, il voulait juste déplacer son arbre, il avait une révolte, il voulait le déplacer. Et je sais pas, comme il était vraiment fâché, il a utilisé cette arme et s'est tué lui-même. Et les pasteurs même, ils ont dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la dame en question, elle était un enfant de Dieu, elle partait à l'église et l'enfant n'était pas malade. Le pasteur lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Et là, la mère l'a expliqué que oui, ce matin, on avait eu notre plus grand problème, grande discussion. Et puis on a écouté qu'il est mort. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the day you fight, you might not even get the result that day. Der Tag, an dem man sich streitet, da kriegen wir vielleicht nicht die Quittung für die Sachen. Le truc avec le diable est que le jour qu'on se dispute, même c'est même pas par force qu'on doit avoir le résultat le même jour. Something is going to start one day. Aber irgendwann wird es anfangen. Un jour ça va commencer. Tu auras ton résultat. You open the door for Satan to come in. Wir öffnen den Teufel die Tür. And he has come in. Und er ist eingetreten. And he has planted seed. Und er hat Samen gesät. You know, it takes 9 months for a woman to get to give birth. Es braucht 9 Monate. And it might even take time. Before you know that thing, you might not even know. Bevor man gebärt. Und donc avec les disputes, c'est comme si tu ouvres la porte au diable et le diable vient. Mais et il a mis aussi il a quelque chose. C'est comme même une femme qui est enceinte. Quand elle est devenue enceinte, elle prend 9 mois pour faire sortir le bébé. Donc c'est comme ça aussi qu'avec le diable. Quelquefois il entre, mais ça prend son temps. Mais un jour on va voir ce qu'il a fait. Praise the Lord. Hallelujah. Be very careful, please. Amen. Look at 1 Corinthians 3:3. Quickly go there. 1 Corinthians 3:3. You know, every evil work of Satan is there when there is fight. Praise the Lord. First Corinthians 3:3. 1 Corinthiens 3:3. Look at what Paul said. Was Paulus gesagt. Amen. Ce que Paul a dit. He said, "For you are yet carnal. For whereas there is among you envy and strife and division, are you not carnal and walk as men?" Denn ihr seid noch fleischlich, zu sagen, nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Parce que vous êtes encore faible, en fait, parmi vous, il y a de la jalousie et de dispute. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine? C'est Kana. Kana means death. Fleischlich bedeutet Tod. You are carnal. Wir sind fleischlich. Walking like me. Wie Menschen wandeln. I'm not like Christ. Amen. Again, here is not a religious church. Hier ist keine religiöse Gemeinde. Ici, ce n'est pas une église religieuse. Everything here is Christ. Alles hier ist Christus. Ah, please. Il s'agit de Jésus-Christ ici. If you don't want everything in your life to be Christ, then here is not a place for you. Aber wenn du nicht willst, dass alles in deinem Leben Christus ist, dann ist diese Gemeinde nicht die richtige für dich. Mais si tu n'es pas prêt à avoir Jésus-Christ dans tout, ce n'est pas la bonne église pour toi, ce n'est pas ici, il y a pas de place pour toi. In Romans 12, verse 10 and 16, let us quickly go there. We don't rush through this dark of strife, then we close. Amen. Romans 12, verse 10. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. He said, but kindly affection. One to another with brotherly love. He's talking about God kind of love. Es geht um Gottes and not Liebe. What this world call love. Und nicht das, was diese Weltliebe nennt. Il s'agit de l'amour et, de Dieu. And in honor, preferring one another. Then verse 16. Be of the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low state. Be not wise in your own conceit. Is somebody getting something? Be not wise in your own. You know, you are so wise. Seid nicht weise in euren eigenen Augen. On doit pas avoir notre sagesse naturelle envers l'un et l'autre. Praise the Lord. So it's 1 Corinthians 10, verse 24. Auch 1 Corinthians 10, 24. And also Ephesians 5, verse 2. Walk 5, verse in 2. Love. Wandelt in Liebe. Walk in Christ. No, these are saying the same thing. Mais on lit pas maintenant, va. 10:24. Ephesians 5, 20, verse 2. Même Ephésiens, attends, elle écrit, maman, va te couper. 1 Corinthians, est-ce que je crie, vous? Okay, maybe we go to that of Ephesians 5. Go to Ephesians 5, please. Ephesians 5. Ephesians 5, verse 2. Ephesians 5, verse 2. It said, walk in love. Walk in Christ. As Christ also had love us. And have given himself for us an offering and a sacrifice of God for a sweet smelling savour. Amen. Que votre vie soit dirigée par amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. He talks about sacrifice. Yes, what Christ calls sacrifice. We'll talk about it now, I'm sure, on Wednesday. Es gibt hier das, was Christus Opfer nennt, das Opfer von Christus. Et Jésus-Christ un sacrifice. Amen. Amen. Sacrifice. Un sacrifice. To choose Christ is a sacrifice. Sich für Christus zu entscheiden, ist ein Opfer. Choisir Dieu, se décider pour Jésus-Christ, c'est un sacrifice. Because you are going to reject, you know, you are going to, a lot of things are going to run away from you once you choose Christ. Weil viele Dinge von uns fliehen werden, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Parce que quand tu te décides pour Jésus-Christ, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont te fuir. He said, your sacrifice have odor. Unser Opfer hat einen Geruch. Ça signifie, ici on voit que nos sacrifices ça a aussi une odeur. Amen. Un parfum. You know something is going to bring something in. If a good smell or bad smell, you know something is going to come in. Und je nachdem, wenn etwas stinkt, zieht es Fliegen an. Nos sacrifices a une odeur ou c'est un parfum qui est bon ou bien une odeur qui n'est pas bien. If you make your body available for, if you allow the flesh to be what you pursue, you know, it's going to draw something. It's going to draw. Demons, they love the flesh so much. Dämonen lieben das Fleisch. Le diable, lui, il aime la chair. You invite them before they come in. Du lädst sie ein, bevor sie reinkommen. Avant qu'ils puissent venir, c'est toi-même qui les invite. They don't force you to come in, but you invite them. Wir laden Dämonen ein, bevor sie bei uns Wohnung haben. Le diable ne force pas d'entrer dans notre vie, c'est nous-mêmes qui les invite. We will go to John 15. This is very important place. John 15. John 15. Everybody go. On va lire John 15. Johannes 15. C'est très important. John 15. Johannes 15. Praise the Lord. Amen. Jesus said we should be one. Jesus sagt, wir sollen eins sein und nicht getrennt, gespalten Jésus dit sein. Qu'on doit marcher dans l'unité et pas dans la division. Don't allow Satan to you know that your body is now a vessel for Satan to divide the church. Lass nicht zu, dass dein Körper ein Gefäß ist, um die Gemeinde und Kinder Gottes zu spalten. Was sind wir ein Gefäß für jemanden? Faut pas autoriser au diable d'utiliser ton corps pour diviser l'église. We read from John 15. Johannes 15. Let me see. Let us quick. I will quickly read from one place. Johannes 15:1. He said, "I am the vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, 15. He taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. That's why in Christ will you grow. Deswegen in Christus Welt wachsen wir. Das ist kein Stillstand. You grow. There's always growth. De la vie de Jésus-Christ, il y a toujours une croissance." So now you are clean. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. It is Christ's word that cleans us and not problems. Das ist das Wort von Christus, was uns reinigt und nicht Probleme. C'est la parole de Dieu qui nous rend propre, soin. C'est pas les problèmes de ce monde. Are you getting it? You know, if problem clean people, those people that have more problems, they could have been clean more than the people that don't have problems. Wenn Probleme einen reinigen würden, dann wären doch die Leute heilig, die ständig Probleme haben. Aber das ist nicht die Lösung. Les problèmes ne vont jamais nous purifier. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de nous purifier, de nous nettoyer. He said, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except you abide in me." You can see that Jesus is saying something here. Jesus sagt hier without me, you can do ohne nothing. Mich könnt ihr nichts tun. Let it be all about me. Verset 4, il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc ça signifie qu'il veut nous dire que sans lui, on n'est rien. On a besoin de lui. Like Colossians 1 says, he said, everything was created by me and for me. That's what Colossians wie in Kolosser steht, dass alles würde für ihn und von ihm entschaffen. In Kolossien, il est écrit que tout a été créé pour lui et par lui. Yeah, Jesus is saying it's all about him. Jesus sagt, es geht nur um mich. Ici, Jésus-Christ dit qu'il s'agit seulement de lui. He said, abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you accept to abide in me. Without me, you are nothing. Denn ohne mich seid ihr nichts. Sans moi, vous êtes rien. Verse 5. I am divine, you are the branches. He that abided in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Without Jesus. Aber wir wollen Dinge tun ohne Jesus. Verset 5, il dit aussi que si on n'est pas sans lui, on peut rien faire, mais nous, on veut toujours faire. People are looking for peace without Jesus. Leute suchen nach Frieden ohne den Frieden für. Les gens cherchent la paix sans Jésus-Christ. Without, they are looking for joy without Jesus. Sie suchen nach Freude ohne Jesus. Ils cherchent de la joie sans Jésus-Christ. Then in verse 6, said, if a man abideth not in me, he is cast forth as a branch. If you cannot see me, if it is not about me, if it is about your mother. Mutter geht. If it is about your father, it's about your brothers and sisters, it's about you. Wenn es um uns selbst geht, sind wir tot. La Bible dit que s'il ne s'agit pas de moi, s'il s'agit de tes parents et ou de tes enfants, tu es quelqu'un de mort. Look at it again, verse 6. If a man abide not in me, and he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Are you getting it? If you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. What he called fruit? God kind of fruit. Nennt, seine Frucht. What Christ called fruit? And now what religion called fruit? Was Religion Frucht nennt. Parce que la religion appelle fruit. So shall you be my disciples. Verse 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Verse 10. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things have I spoken unto you, that in my love, in my joy, that my joy may remain in you, and that your joy might be full. Verse 12. This is my commandment, that you love one another as I love you. That you love one another, not fight one another. Einander lieb, das ist mein Gebot. Mon commandement, c'est que vous puissiez vous aimer l'un à l'autre et pas disputer l'un vers l'autre. You cannot say you love me when you are full of anger. That even when you are speaking to me, it's almost as if you want to swallow me. Aber wir können nicht sagen, dass wir einander lieben, wenn wir ineinander nur noch, wenn wir Wut gegenüber einander tragen. Tu peux pas dire que tu m'aimes si tu as de la haine contre moi. This is my commandment, that you love one another as I love you. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Praise the Lord. Amen. Verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father, in my name he may give it you. Amen. Mm-hmm. Verse 17, these things I command you, that you love one another. This is Jesus speaking. Das ist Jesus, der hier spricht. Ici, c'est Jésus qui parle. Love one another. Liebt einander. Aimez-vous les uns les autres. If the world hates you, you know that it hated me before it hates you. If they hate you, it's no news. Wenn sie euch hassen, ist es nichts Neues. Si le monde te déteste, sache qu'ils m'ont détesté avant qu'ils puissent te détester. If they hate Jesus and they love you, then you are a problem. As far as they hate Jesus, they are going to hate you. Wenn sie dich auch hassen. That alone will help you. That they hate you will help you to know that, yeah, this is Christ. Si le monde a de la haine contre toi, tu dois savoir que tu es dans la bonne route. Amen. Parents are going to hate you. Eltern werden hassen, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. People are going to hate you. Leute werden hassen. Husband, why? They will hate you. Les gens vont commencer à te avoir de la haine contre toi. Amen. Jesus said it here. If they hate me, they are going to hate you. Jesus sagt, wenn sie mich hassen, dann werden sie auch euch hassen. Verse 19. Look at it. Very interesting. S'ils te détestent, ils vont détester, ils vont aussi vous détester. He said, if you are of the world will love his own. Verset 19. If you are evil like them, they will not hate you. Werden sie dich nicht hassen. If you are the flesh like them, they will not hate you. Wenn du fleischig bist wie sie, dann werden sie dich nicht hassen. If you are one in them with them, they will not hate you. You know, but you are chosen Christ. Wenn du dich für Jesus Christ entscheidest, that is, si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous faites aussi partie de. You know, do you know how they hate Jesus today? They compare him to Muhammad. Wisst ihr, wie sehr die Menschen Jesus hassen? Die vergleichen ihn mit Muhammad. Vous savez comment Jésus-Christ, on lui déteste dans ce monde. They compare him to Muhammad. Sie vergleichen ihn mit Muhammad. Comparer à Muhammad was full of sin. Muhammad war voll von Sünde. Jesus had no sin. Jesus hatte keine Sünde. Muhammad avait beaucoup de péchés. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Muhammad was just a man. Muhammad war nur ein you can find his grave. He died and he's buried. You can find his bone destroyed. Du kannst seine Knochen vielleicht but Jesus sehen. Is God. Aber Jesus Christus ist Gott. Das kannst du nicht vergleichen. Muhammad était un autre humain. You cannot. But today. Muhammad était un autre humain. Jésus-Christ n'est pas un autre humain. Lui, il n'est. On va pas trouver le tombeau de Jésus-Christ, mais de Muhammad, on peut même voir ses os. We know the father and the mother of Muhammad. Wir kennen Vater und Mutter von Muhammad. Okay. Founders. Amen. Amen. But Christ. Aber Christus. Christ est différent. He is the essence of days. Er ist Alpha und Omega. Il est l'Alpha et l'Omega. There is no beginning, there is no end. Es gibt keinen Anfang und kein Ende von Christus. You cannot find him. You cannot even know him. Du kannst ihn nicht kennen. How to he reveal himself to you? Wenn er sich nicht zu uns ausstreckt. Il n'y a pas le commencement et la fin. You can know people. Du kannst Menschen erkennen. Are you getting something? Tu peux connaître les gens, tu peux connaître Mohammed, mais de Jésus-Christ, par exemple, si tu le connais quand il se révèle à toi, tu sais qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas aussi de fin. No, we are not against people. Wir sind nicht gegen Menschen. Wir hassen Satan. Wir hassen Religion. Mais on déteste, on a de la haine. Religion is a killer. Weil Religion ein Mörder ist. Parce que la religion c'est quelque chose qui détruit la vie. Do you know how destructive it is? Wisst ihr, wie zerstörerisch es ist? Ça détruit. For example, you know you believe your mother or your father is a child of God, but she will never choose Jesus. That's religion. Wir glauben, dass unsere Eltern Kinder Gottes sind, aber sie entscheiden sich nicht für Jesus Christus. Exemple, und das Religion. Un exemple bleu pour la religion est que par quelquefois on pense que nos parents sont des enfants de Dieu, mais ils ne prennent pas leurs décisions à travers Jésus-Christ. He will not love the truth. He hates it. Sie lieben die Wahrheit nicht. Sie hassen die Wahrheit. Ils détestent la vérité. For them, it's not about Jesus Christ. It's all about them. Ihnen geht es nicht um Jesus. That's religion. Religion is about the flesh. Pour eux, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Il s'agit que de eux-mêmes. Ihnen geht es um ihre Grundsätze und Regeln. I know here very well. I know here. Aber ich kenne diese Gemeinde hier. That's why I can even tell people come here. Und deswegen kann ich zu Leuten sagen, sie können hier diese Gemeinde besuchen. Moi, je connais seulement cette église. C'est pour cela que je peux dire aux gens de venir dans cette église. Like you know, like you know, Deuteronomy 30. Wie 5. Mose 30. He said. Deuteronomy 30. He said, choose life or death. Entscheide dich für. I will advise you to choose life. Ich empfehle dir, das Leben zu wählen. Il est écrit, je vous donne la vie ou la mort, mais je veux, c'est à toi de choisir. Mais moi, je veux vous conseiller de choisir la vie. So also, I will advise you to come here. So, because I know what is here. Würde ich dir auch empfehlen, in diese Gemeinde zu kommen, weil ich weiß, was in dieser Gemeinde gepredigt wird. C'est comme ça aussi, je vous conseille de venir dans cette église, parce que je sais qu'est-ce que cette église prêche. People always ask, you know, some people want to ask, is this the only church that is a living church? Die Leute fragen immer das, ist diese Gemeinde die einzige Gemeinde, die lebendig ist. Il y a des gens qui demandent, est-ce que ça c'est l'unique, c'est la seule église qui a de la vérité ici? My prayer is that it should not be the only church. Ich bete dafür, dass es nicht die einzige Gemeinde ist. Moi, ich will, dass überall lebendige Gemeinden sind. Moi, je prie qu'il y a aussi quelque part autre église qui a vraiment de la vérité. Des églises vivantes. Aber leider ist das nicht der Fall. Mais malheureusement, c'est pas, il n'y a pas beaucoup des églises vivantes. My prayer is that it should not be the only one, because I want everybody to be saved. Dass diese Gemeinde nicht die einzige Gemeinde ist mit der Wahrheit, weil ich will, dass alle errettet werden. Moi, je prie qu'il y en ait. Moi, je prie qu'il y en ait beaucoup parce que je veux que tout le monde soit sauvé, pas quelques personnes seulement. That is why that is why I tell you, you come here. I mean, if you are a friend of somebody that hates you, then I will question you. Deswegen sage ich dir, dass du in diese Gemeinde. I don't know if somebody is getting it. Ein Freund, wenn du ein Feind dieser Gemeinde bist, wenn du ein Freund der Feinde dieser Gemeinde bist, dann muss ich dich in Frage stellen, deine Vision in Frage stellen. Moi je veux vous dire de venir ici. Mais toi, si toi tu es par exemple ami à quelqu'un qui déteste cette église et tu viens ici, là je veux me demander qu'est-ce que tu veux faire ici. You know, the first world, how many were saved? 8. In der ersten Welt, wie viele Leute wurden errettet? First Peter. Oh, second Peter. Dans le premier monde, il y avait que dans le premier monde, il y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Amen. Yeah, we can find it. Second Peter. 2 Petrus. From verse 5. He said, and spare not the old world, but save Noah. 2 Peter 2, from verse 5. And 2 Pierre 2, verse 5. And spare not the old world, but save Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world in the of the ungodly. Amen. Amen. And he also talks about Sodom and Gomorrah. Look at it. And turning the city of Sodom and Gomorrah. Oh, two cities. How many people were saved? Three people. Out of two cities. Aus zwei Städten wurden nur drei Leute gerettet. Quand on voit l'histoire de Sodom et Gomorrah, il n'y avait que trois personnes qui étaient sauvées dans parmi tous les gens qui étaient là. That of Noah is different from that of city of Sodom and Gomorrah. Et celui de Noah, c'était différent que. That of Noah, only 8 people were saved. By Noah, how many are we in this church today? Et la vie de Noah, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. That's why when people ask me, I'm usually is it only here? I say yes. Also wenn Leute mich fragen, ist es nur hier? Sage ich ja. Es kann sein, dass es einfach nur hier ist. Yeah. Because they go ask, check the old world. C'est pour cela quand les gens if you don't know, no now. C'est pour cela quand les gens me demandent, est-ce que ici c'est la seule église qui a la vérité? Et moi je dis oui, parce que si tu regardes dans l'église dans l'Ancien Testament, tu vas aussi voir qu'il y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. No ministry was more than 100 years. Noah's Gemeinde war mehr als 100 Jahre. Le ministère de Noah c'était son église c'était plus que ça avait plus que 100 ans. And that of Sodom and Gomorrah, two cities. How many people were? They could not find how many 5. They could not find how many 10. Et quand on parle de Sodom et Gomorrah, c'était two cities. You know, today people don't want to hear. They don't want to. It's your business. Aber Leute wollen das nicht hören. They don't want to hear it. Everyone got a sergeant said this one is a church is church. A church is church. Very good. We will see. But don't say you are not warned. Aber don't say you are not warned. Du kannst bei deiner Meinung bleiben, aber sage nicht, dass du nicht gewarnt worden bist oder aufmerksam gemacht worden bist auf die Wahrheit. Ici, par exemple, faut pas dire qu'on vous a pas averti quand on parle de ces choses parce que même Sodome et Gomorre, il y avait que c'était deux cités et dans ces deux cités, il y avait vraiment 5 personnes qui étaient sauvées. Praise the Lord. Amen. Amen. So also is Colossians 3 said the same thing, 1-17. We will not allow the sword to be here in this ministry. Wir werden nicht zulassen, dass ein Schwert hier in dieser Gemeinde ist. On va pas laisser qu'un épée puisse être ici dans cette église. Amen. Amen. In Matthew 10 from verse 34 talks about sword. And please, we have to understand what it is. It's not okay. God brought sword to us so that then we accept the sword. The sword of Jesus means you are not Christ. That is why there's a sword. And we are to reject it and not to say it with joy and with peace and with your love it. Wir sollten Streit nicht akzeptieren. Wir sollten das nicht einfach gutheißen. Und es ist teuflisch in einer Gemeinde von Christus. On ne doit pas accepter la discussion dans les églises parce que quelque chose comme ça est diabolique. The normal church. If you go to Acts of Apostles, you see the normal church. What Christ called normal church. Lesen wir was. That is the normal church. Eine Gemeinde aussieht. That of Ananias and Sapphira. That is the normal. Ananias und Sapphira waren diese Gemeinde. Not what is everywhere aber today. Aber nicht das, was wir heute sehen. Hatred, bitterness, unforgiveness. You cannot. Quand on voit par exemple Actes des Apôtres, on voit aussi l'exemple d'une église qui doit être en Jésus-Christ, là où Ananias et Saphir étaient. Ça, c'est un exemple vraiment d'une église en Jésus-Christ. You cannot see the difference between them and Satan. You cannot see it. Heutzutage sind Gemeinden so weltlich, dass man den Unterschied zwischen einer Gemeinde und einem Sportverein gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Et maintenant, dans ces jours ici, tu peux même pas voir une différence entre l'église et comment on appelle. You come to church and go home. That's not Christ. Komm einfach zur Gemeinde und dann geh dann wieder nach Hause. Aber das ist nicht Christus. That should never be Christ. Das ist nicht das Königreich. It's all selfishness. It's all about you. What about your brothers? They need you. You need them. Iron sharpens iron. Was ist mit unseren Geschwistern? Eisen schärft Eisen. Wir brauchen einander. On a besoin de l'un à l'autre. If one is suffering, the others are suffering because it's the same Christ. Wenn einer leidet, leiden die anderen auch, weil es der gleiche Christus ist. Donc si moi j'ai mal, toi aussi tu as mal, parce qu'on a le même Jésus-Christ en nous. You know how you know you have a different Christ. Wisst ihr, wie man sieht, dass du einen anderen Christus Jesus, hast? Another Jesus. Hast. Tu sais comment tu vas savoir que tu as un Jésus qui est différent de l'autre? Like Paul said in Galatians, it talk about another Jesus. People having another Jesus. Wie Paulus in Galatia davon gesprochen hat, dass es Leute gibt, die einen anderen Jesus haben. Comme Paul a aussi averti les gens de Galates qu'il y a d'autres personnes qui ont un autre Jésus Christ. It's their problem. It's cookmon seeing their it is their problem, not my problem. Indem Spaltung in unserem Kopf ist und auch in unserem Mund ist, indem wir immer Dinge sagen, es ist deren Problem, nicht mein Problem, es ist deren Sache, nicht meine Sache. Quand dans les églises, il y a de la division, il y a des gens qui disent dans leur mentalité, donc, oh, ça c'est ton problème, c'est pas mon problème. Have you ever asked yourself why? You know, we cannot go there any longer. We leave that for Wednesday. Amen. Amen. Have you ever asked yourself why, you know, somebody said the other day that, you know, I don't know. Maybe, you know, if you believe like Abraham, you are going to get the same result like Abraham. Wenn wir so glauben wie Abraham, wenn wir die gleichen Ergebnisse haben. Si on croit en Dieu comme Abraham avait cru, on aura aussi le même résultat que Abraham avait. If you keep on choosing Jesus, I'm going to be there for you. Wenn wir immer weiter in Jesus I don't need to get it. Werden wir auch füreinander da sein können. Si tu continues à choisir Jésus Christ dans ta vie, moi aussi je serai là toujours pour toi. If you are choosing the flesh, I'm not there. Aber wenn Menschen das Fleisch wählen, können wir nicht für diese Menschen da sein. Mais quand tu commences à choisir la chair, là je suis pas là pour toi. And the spirit of flesh is everywhere in people's life. Aber and Geist, you know, someone said, "You are doing this for this. You are doing this for this. You are. You listen to this. You never listen to. You don't allow Satan to come in. Dieser Geist to come herrscht, into you. Aber wir dürfen ihn nicht herrschen lassen. Wir müssen ihn verweigern. Allah, don't allow it. Malheureusement, dans notre vie, il règne l'esprit de soi-même, de voir moi, moi, moi. Il faut pas accepter ça. Faut pas laisser que le diable puisse emmener ça dans notre vie. On Wednesday will be a question message, please, because I wanted to go there today, but the time will not permit us. Amen.